comme je l'ai ressenti, un petit résumé. Et puis, pardon. Des remarques assez générales tout de suite, parce que je pense que c'est important qu'on rentre dans le vif du sujet avec des vrais débats. Et ensuite, il me semblait intéressant de tout simplement respecter votre plan, de suivre vos chapitres, ce qui vous a permis, vous, de votre côté, en fait, de préparer des illustrations, des plans, des photos, qui sont essentielles, surtout pour les gens qui sont géographes, mais pas que des géographes. Donc voilà comment je pense procéder, mais de toute façon, c'est très souple. Hein. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, bien sûr, voilà. Alors, donc je suis allée voir votre site, et donc j'ai appris bien des choses sur vous, que vous avez fait un doctorat en urbanisme et aménagement à l'École nationale des ponts et chaussées en 2000, que vous avez ensuite passé une habilitation à diriger les recherches en urbanisme à l'Institut d'études politiques de Paris, que vous êtes maître de conférences, que vous avez ces dernières années, depuis 2003, en fait, travailler comme maître de conférence à l'Institut français d'urbanisme, et j'ai bien noté que quelque part vous y êtes toujours administrativement puisque vous êtes en détachement, et on a la chance de vous accueillir comme nouveau directeur du laboratoire Rive, et donc j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue au sein de cette UMR. Je pense que c'est un peu le sens aussi de cette invitation, bien sûr. Voilà, lorsque vous présentez vos recherches, vous les présentez de manière très, très simple hein, sur votre site. Vous expliquez que vous privilégiez les questions propres à l'urbanisme, donc là on est déjà dans le champ effectivement de l'urbain, que vous travaillez sur les qualifications de l'espace, prises en compte comme ressources et comme contraintes pour l'action. Je pense que ce mot action pour vous il est très important, parce que tout au long de ce livre j'ai bien senti que l'idée au bout du compte c'était quand même... de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, de développer effectivement une connaissance très forte, mais pas une connaissance pour la connaissance, mais une connaissance pour l'action. Et ça m'a bien plu. Que vous travaillez sur les formes matérielles, mais aussi sur les équipements, les services, les dispositifs juridiques et institutionnels. Bon, vous signalez que vous avez trois grands thèmes, qui sont les dynamiques de territorialisation résidentielle, donc là on va y revenir, puisque c'est effectivement le sujet de votre livre. Et puis un sujet, j'allais dire, avec une entrée plus précise, bien que vous l'abordiez de plein de façons, c'est la rue et le réseau vert. Et en regardant votre bibliographie, j'ai noté que effectivement le sujet de votre thèse, il fait directement référence, hein, qui est une thèse sur Bangkok, si j'ai bien noté. Voilà. Alors, ce que je voulais simplement... Alors, juste, si vous voulez, comme ça, une réaction très très générale sur votre livre, que j'ai lu, donc j'allais dire presque du début à la fin sans m'arrêter, parce que je l'ai lu lundi soir, donc voilà. Bon, je n'ai pas tout lu, évidemment, mais j'en ai lu une bonne partie. Alors, j'ai bien aimé. J'aime bien votre livre, et je l'aime bien parce que j'aime bien les chercheurs comme vous, en fait, parce que vous avez des positions très affirmées. Des positions affirmées aussi bien scientifiquement que éthiquement. Voilà, votre entrée sur le périurbain par le biais du clubisme, alors évidemment je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un très gros mot. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, même si évidemment après on peut contester des choses. Ce qui m'a aussi beaucoup séduite... c'est tout votre questionnement en fait qui fait la grosse partie de votre conclusion, mais qui est quand même transversal dans vos questionnements. C'est des questionnements donc, moi, que j'appelle éthiques et politiques, hein, sur la redistribution des richesses, sur la solidarité des aires urbaines, et sur, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous proposez, sur la coopération contre la concurrence. Voilà, des choses qui sont quand même... vous posez des choses fortes. Hein. C'est bien écrit, c'est clair, c'est simple et complexe à la fois, parce que c'est pas une simplification, mais moi qui ne suis pas forcément dans votre champ, j'ai beaucoup compris de choses, pas tout, mais beaucoup quand même. Voilà ce que je voulais vous dire au début, donc manière très très très générale de voir ce livre. Alors avant de le définir et de le résumer, parce que j'ai bien envie en fait de vous montrer, enfin de voilà, de vous initier à ce livre en essayant, en tentant une petite synthèse. Vous verrez comme ça si j'ai bien compris ou pas. Mais avant, j'avais quand même envie de vous demander une chose très simple. C'était tout simplement comment on en arrive à traiter le sujet du périurbain, quel est votre parcours, comment vous arrivez à ça, un petit peu pour qu'on vous connaisse mieux, qu'on entende votre voix, parce que je n'ai pas envie de parler tout seul tout le temps. Voilà, si vous voulez juste répondre à ça. Et puis j'allais dire un petit peu, parce que c'est articulé aussi, chose que je n'ai pas du tout trouvée dans votre livre, mais c'est normal, c'est en fait vos outils, méthodologie, j'ai bien compris que c'était l'enquête, mais en dire un tout petit peu plus. Effectivement, merci de m'avoir invité. Je suis d'autant plus sensible à l'invitation. Effectivement, je suis nouvelle arrivée à l'intérieur de cette UMR, puisque j'ai pris la direction du laboratoire depuis septembre dernier, à la rentrée. Alors sur ce qui m'amène à la... Et puis merci pour cette présentation, c'est plutôt sympathique. Après, je suppose qu'il va y avoir des moments... Ah oui, non, là, bien sûr, bien sûr. Donc, on va pouvoir... ouvrir le débat. Alors, qu'est-ce qui m'amène à travailler sur le périurbain? En fait, je travaille sur les périphéries des villes depuis fort longtemps, puisque déjà, avec mon sujet de thèse, je travaillais sur la périphérie de Bangkok. Et je m'intéressais aux transformations des rues, qui sont généralement des impasses lorsqu'elles sont construites, qui se trouvent en périphérie de Bangkok, et qui sont ouvertes au trafic. Sans rentrer trop dans le détail, mais l'idée c'est que beaucoup de voies sont construites. En fait, on est à Bangkok, est une ville qui se développe sur des zones non desservies préalablement par le réseau viaire. C'est-à-dire que ce sont des rizières et les villages se développent au bord de canaux. Donc du coup, la ville se développe avec un déficit d'infrastructures viaires préexistantes, parce que quand on a un maillage de chemins, etc., ben, ça devient des rues, des voies, etc. Et du coup, on a les grandes artères qui sont tracées par les pouvoirs publics, et puis là-dessus se connectent des voies résidentielles qui se font au hasard des subdivisions foncières et des opérations de lotissement. Et ça pose d'énormes problèmes de circulation, et une des actions correctrices de la puissance publique et des collectivités locales, c'est de raccorder des impasses résidentielles les unes aux autres pour les transformer en itinéraires télésanges, en voies traversantes. Et donc je m'étais intéressé à ces rues pavillonnaires qui devenaient des voies passantes. Et je m'intéressais à la confrontation d'usage, etc. Je voulais travailler sur l'idée de départ, mais la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, la raison pour laquelle j'ai travaillé sur Bangkok, c'est que j'avais envie d'aller à l'étranger, et que différentes raisons m'ont amené à m'intéresser à cette ville. Après, ce qui m'intéressait, c'était la confrontation d'usage différents à l'intérieur de... avec la rue. J'ai travaillé là-dessus, et il se trouve que... Voilà, pour différentes raisons, je me suis intéressé à la périphérie de Bangkok. Donc vous arrivez au périurbain par la question de la rue, en fait. Voilà, et par la question des impasses. Et des impasses. Oui, qui deviennent des voies traversées. Ouais, ouais. Et non, mais comme quoi, il y a une certaine continuité, parce que après, revenant en France, je n'avais pas tellement l'intention de... Voilà, c'était une expérience, une parenthèse, j'avais vécu en Asie. Et revenant en France, je n'avais pas spécialement envie de continuer de devenir un spécialiste d'Asie, par exemple. Donc j'ai eu envie de travailler sur d'autres terrains, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait en France, et on commençait à avoir un débat sur les gated communities. C'était la fin des années 90, j'ai soutenu ma thèse en 2000, mais j'ai commencé à monter des projets de recherche avant de l'avoir soutenu. Je me suis intéressé justement aux formes d'urbanisation périphérique, pavillonnaire, enclavée. Une de mes premières, ça c'était une recherche que j'ai menée, sur les... au départ d'ailleurs les hypothèses n'étaient pas très claires, je voulais m'intéresser à la différence que ça faisait entre habiter une rue pavillonnaire passante et une rue pavillonnaire enclavée. Et puis finalement j'ai commencé à, en faisant des entretiens avec des habitants de différentes rues, à me rendre compte que si je posais la question en termes plus larges, c'est-à-dire la territorialisation locale, la délimitation de groupes sociaux localisés, avec des nous et des eux en gros, je me suis aperçu qu'il y avait des enjeux assez intéressants à l'échelle des communes, qu'évidemment à l'échelle des ensembles pavillonnaires, il y avait des enjeux, Parce que derrière la question de du fait de vivre dans une voie passante ou dans une voie non passante, c'est évidemment la question du débat aussi sur la fermeture de l'église. Oui, on voit bien comment vous avez pu arriver. Mais en faisant cette enquête, je me suis aperçu que la commune, en fait, était, en tout cas la commune périurbaine, les petites communes, étaient associées à des territoires à la fois très importants pour le vécu des gens, même si c'était des toutes petites communes qui étaient en périphérie, qui se faisaient des communes d'enfants, mais elles étaient très importantes et qui avaient des enjeux politiques en plus, assez eux aussi très importants, et bien plus importants, sans doute, que les enjeux politiques attachés à la question de l'éthique communautaire. Mmh. Donc vous arrivez à l'échelle de la commune comme ça, en fait. Voilà, j'arrive à l'échelle de la commune comme ça. Et puis surtout, j'ai continué à travailler sur... J'étais déjà dans le périurbain, mais surtout je passe à la commune périurbaine. Ouais, ouais. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie périurbaine face à la menace des critiques communautistes » qui est publié chez l'Armatan en 2005, qui rend compte de cette première recherche que j'évoque à l'instant. J'ai prolongé en me disant, au lieu de m'intéresser aux territoires pavillonnaires, aux ensembles pavillonnaires et aux espaces résidentiels à proprement parler, je vais m'intéresser aux communes. Et de toute façon, l'hypothèse de la clubisation qui est développée dans ce livre était déjà présente. Oui, vous le dites dans l'introduction. Elle était déjà présente parce qu'en fait, j'avais commencé à réfléchir en m'inspirant des travaux d'un géographe anglais qui s'appelle Chris Webster, qui n'a pas vraiment la même perspective politique sur les choses que moi, mais peu importe. La manière dont il utilise le concept de club beaucoup. Je vais vous arrêter parce que sinon, sinon vous allez partir tout seul. Voilà. Juste un petit mot alors sur vos sources. Donc, souvent vous faites allusion à l'enquête, mais de manière très allusive justement. Donc je voulais juste en savoir un petit peu plus comment vous travaillez, sans développer. Parce que Donc j'avais fait effectivement, j'ai commencé à faire une première recherche sur le périurbain en faisant des entretiens qualitatifs auprès de ménages. C'est ce que j'ai pensé, oui. Donc là, j'ai fait parler les gens sur leurs pratiques, leur rapport à leur environnement proche, et en faisant varier les échelles, et puis comment tout ça s'articulait, quelles étaient les oppositions, etc. Et puis, cette approche-là a donné lieu, a été un fondement, la base de la recherche qui a donné lieu à la publication de la vie périurbaine face à la menace des critiques communautistes. Et ensuite, donc je me suis intéressé plus aux communes, comme je viens de l'expliquer, et là, j'ai mené des enquêtes auprès d'élus communaux. Voilà. D'accord. Habitants. En travaillant sur différents cantons. Donc, j'ai travaillé particulièrement sur deux cantons de Seine-et-Marne, situés au nord-ouest de la Seine-et-Marne, pas très éloignés de la Francilienne et de l'aéroport Charles de Gaulle. Et puis, j'ai aussi travaillé sur un canton de la périphérie lyonnaise, de l'aire urbaine lyonnaise, Morlan. Oui, d'ailleurs, c'est très présent dans votre livre. Souvent, vous faites des comparaisons entre les deux types de communes. C'est assez bienvenu, parce que c'est des exemples très concrets. Alors, juste sur les sources, quand même, ce qui est important, c'est que finalement, là, il y a une recherche qui a été faite, un rapport de recherche qui a été publié. Ensuite, j'ai présenté les résultats dans différents contextes. J'ai travaillé avec des étudiants, puis aussi, il y en avait un qui avait travaillé sur la périphérie, d'autres secteurs de la périphérie de l'Île-de-France, d'autres villes. J'ai présenté les résultats et puis j'ai eu aussi des retours d'élus. Parfois j'ai présenté devant des élus, notamment à Rennes, je me rappelle. C'est important, une manifestation. Donc là aussi on apprend. Mais des retours. Donc ça aussi, ça fait partie de la méthode. Aussi. Oui, mais c'est un livre où on sent le dialogue. D'abord, il appelle le dialogue, et puis on le sent parce que vous relatez un peu des dialogues, des positions différentes, des choses comme ça. Comme je vous le disais, je vais tenter cet exercice un peu difficile de résumer un livre de 300 pages. Je vous rassure aussi tout de suite, on ne va pas mobiliser la parole, puisque normalement, on a le droit de parler que jusqu'à 6 heures, si j'ai bien compris, et qu'après 6 heures, c'est plutôt un débat avec vous. Donc, je suppose que vous allez avoir plein de questions, donc vous pouvez les conserver pour ce temps de parole en fin de séance. Alors... le cœur, votre objet d'étude, votre terrain, c'est le périurbain, c'est plus particulièrement les communes périurbaines. Alors on se demande, qu'est-ce que c'est que le périurbain ? Alors j'ai essayé de retrouver votre définition, mais je m'en suis rappelée parce que elle est assez simple et assez visuelle. Le périurbain, c'est quand on sort de la ville, on traverse du verre et qu'on va habiter à un endroit où on ne travaille pas. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce que j'ai retenu. Hein. C'est, voilà, il faut traverser une sorte de campagne. Alors ça aussi, c'est un gros mot, campagne rurale, tout ça, c'est des mots, on ne sait plus tellement où mettre les pieds. Mais en tout cas, on traverse du verre, enfin, voilà, et on va dormir quelque part. Simplement, ce quelque part, c'est un endroit où on vit, mais on travaille soit dans le centre de la ville, soit dans des centres secondaires. En tout cas, on travaille ailleurs. Voilà, c'est ça le périurbain, d'après ce que j'ai compris. Le deuxième concept qui est extrêmement important puisqu'il est vraiment au cœur de votre problématique, c'est cette notion de clubisation. Alors, c'est vrai que moi, d'une manière générale, je n'aime pas quand on invente des mots, parce qu'au bout du centième livre, si chaque auteur a inventé 10 mots, on ne s'en sort plus. Mais je dois quand même vous dire que ça fonctionne assez bien. Et que là, pour une fois, il y a deux mots que j'ai retenus qui sont des mots, des créations de votre part. Et d'ailleurs, vous reconnaissez très élégamment qu'ils sont très inélégants. Donc voilà, on est assez convaincus finalement. C'est donc clubisation. Et alors un autre que j'ai du mal à... c'est exclusivisme. Voilà, donc ce sont deux mots que vous utilisez beaucoup. Mais en tout cas, pour clubisation... Je trouve que vous avez raison, même si, bon, on en parlera après, je ne l'aurais peut-être pas mis dans le titre. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la clubisation ? Donc, je vais pas réexpliquer ce qui est très bien expliqué dans votre livre, ce que vous avez commencé à nous expliquer, d'où vous vient cette idée, enfin voilà. Je vais simplement expliquer comment moi je l'ai compris, la clubisation. Eh bien, la clubisation, c'est tout simplement utiliser ces communes périphériques, périurbaines, résidentielles, comme un club. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utiliser ces lieux de vie comme un club ? Eh bien, vous l'expliquez très bien en disant que c'est simplement qu'au lieu de l'utiliser comme la sphère économique et identitaire, c'est-à-dire un lieu où on s'identifie, où on est pour des choix... Ah non, je me suis trompée. Politique, voilà. On est là pour des choix... politique, éventuellement, une commune, enfin bon, peu importe, et bien là, on est là pour d'autres raisons, et on est là dans la sphère marchande. C'est-à-dire qu'on est là parce que cette commune vous propose des biens, et que ces biens, on va pouvoir les consommer. Et qu'on a fait le choix, en venant ici, à partir de ces propositions de consommation, un peu comme dans un supermarché. C'est-à-dire cette commune va vous proposer peut-être une piscine, peut-être pas, une école qui a... Qui est plutôt bien vu, enfin bon, un certain nombre de comme ça de biens, et c'est cette attitude que vous appelez que je trouve vraiment assez pertinent, c'est cette attitude justement de considérer la commune d'habitation comme une sphère marchande et non pas comme une sphère politique que vous appelez clubisation. Donc vous voyez comment se mettent les choses en place petit à petit. Et troisième élément de votre livre, qui est alors là vraiment votre cœur de recherche, puisque c'est votre hypothèse et que vous la démontrez, c'est-à-dire quel est votre projet ? Eh bien, votre projet, il est très simple. Vous vous proposez d'évaluer dans les communes périurbaines françaises si elles sont effectivement vécues comme des clubs résidentiels ou pas, si elles sont clubisées ou pas. Vous notez que cette clubisation est favorisée par l'émiettement, voilà, donc, deuxième mot de votre titre, et vous dites aussi, et ça c'est très important, que vous utilisez, en fait, vous avez choisi le périurbain pour dégager cette notion de clubisation, parce que c'est là que les transformations du rapport au lieu de vie sont les plus nettes. Et là, je crois effectivement que vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ? Parce que c'est vrai que ces notions de clubisation, c'est pas... Enfin, moi j'ai lu le livre, donc ça me paraît très clair, mais à résumer en quelques mots, c'est pas toujours évident. Alors... Puisque je viens de faire allusion plusieurs fois aux deux mots qui sont dans votre titre, je me permets peut-être de parler un petit peu de cette notion de titre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on me rende le livre, si c'est possible. parce que sinon je vais me sentir un petit peu démunie. Je ne le sais pas encore par cœur. Merci. Voilà, donc votre titre, c'est « La ville émiettée », sous-titre « Essai sur la clubisation de la vie urbaine ». Voilà. Donc déjà, vous vous rendez compte que dans votre titre, il n'y a pas votre cœur de, recherche, puisque dans votre titre n'apparaît pas le mot « périurbain », qui est vraiment votre sujet, n'apparaît pas le mot « commune », « périurbaine ». Donc ça, déjà, ça interroge. Alors, j'ai une hypothèse après, et vous me répondrez, vous me direz si je me suis trompée ou pas. Mais en tout cas, j'ai quand même fait une rapide recherche, ou pas très long, puisque je vais juste chercher votre bibliographie. Et je me suis rendu compte qu'en 1976, Boer et Roux sortent un livre qui s'appelle « La ville éparpillée ». Bon, on n'est quand même pas loin de l'émiettement. Qu'en 1996, Annie Fourcault va sortir « La ville divisée ». Elle va sortir après en 2000 « La banlieue en morceaux ». On n'est quand même pas loin de l'émiettement. Et que Castel, en 2007, alors lui carrément, sort un livre qui s'appelle « L'émiettement urbain ». Alors ça m'a un petit peu énervée. Enfin, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire en reprenant quand même des mots qui ont été largement utilisés depuis les années 70, qui ne définissent pas ce qu'il veut dire. Voilà, alors, bon, l'hypothèse que j'ai faite est la suivante. Vous avez voulu finalement peut-être bien ramener tout ce que vous dites sur le périurbain à un débat plus important qui est un débat sur la ville en général. Vous me répondrez, mais pas tout de suite. Par contre, moi, ce que je voudrais faire, parce que j'aime bien, j'aurais voulu vous proposer d'autres titres, vous voyez, des titres un peu plus rock'n'roll. Enfin, je ne sais pas, par exemple, la périurbanité, un danger pour la démocratie, point d'interrogation. Pour la mixité sociale, point d'interrogation. Pour la solidarité intercommunale, point d'interrogation. Les communes périurbaines, trieuses sociales. Vous voyez, là, on est vraiment... Non, mais c'est ça qui nous dit, en fait. Hein. On le verra après avec la conclusion, mais c'est là-dedans qu'il est... Il n'est pas dans un travail sur la ville en général, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un angle d'attaque très particulier qui, effectivement, après, va pouvoir s'appliquer à la ville, bien sûr. Voilà. Donc, pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Oui. Est-ce que l'hypothèse faite vous semble... Il y a deux explications. Il y a l'explication du sous-titre, déjà. Le sous-titre, ça vient de l'éditeur, de Jacques Donzour. Qui aime beaucoup le concept de clubisation, vous voulez que ce soit dans le titre. Mm-hmm. Donc ça c'est un point, donc ça c'était pas mon initiative, enfin j'ai donné mon accord. Mm-hmm. Oui, j'imagine. Ouais. Mais donc voilà, ça c'est une origination. Mais le concept de clubisation apparaissant comme original. Central, oui, non mais central, on est bien d'accord. De le mettre dans le titre. Mm. Effectivement, j'étais un peu gêné par l'idée de clubisation de la vie urbaine, parce que là ça donne une portée générale. Très très générale. Très générale. Alors que je pense que la ville émiettée, qui est là pour le coup ma proposition et que j'assume totalement, pointe le périurbain. Avoir une portée générale, parce qu'il s'agit bien, c'est bien une notion qui donne, qui permet de donner de manière assez imagée une représentation du phénomène dont je parle, qui est effectivement le périurbain. Mmh. Et je ne remets pas du tout en cause le terme périurbain, parce qu'il y a des gens qui remettent en cause le terme périurbain, au contraire, je le défends. Oui, complètement. J'ai parti à Manier, par exemple, dit on devrait l'appeler autrement, l'idée de tiers-espace, etc. Effectivement, on est dans une idée qui n'est pas très éloignée de celle de Bauer et Roux sur la ville éparpillée. On n'est par contre assez dit, c'est assez différent par contre des notions que développe Annie Fourcault sur la ville divisée et la ville en morceaux. C'est-à-dire Annie Fourcault, elle travaille plutôt sur ce genre d'espace. Ça c'est des lotissements sur le type sur lequel Anne Fourcault a travaillé et là on est plutôt dans l'étalement urbain à l'américaine d'ailleurs avec d'immenses énarques de zones pavillonnaires alors que dans la ville dont je parle, alors ça, ce sont des photos prises en Seine-et-Marne, ce sont réellement des miettes urbaines. Tout à fait. C'est-à-dire on a un village et ensuite on a quelques, alors ça peut être, ça varie beaucoup selon les contextes, c'est plus ou moins diffus, le développement est plus ou moins important le long des voies de communication. Là, en Seine-et-Marne, c'est particulièrement concentré autour d'un noyau villageois, de quelques corps de ferme. Ensuite, on a 4-5 lotissements de quelques dizaines de maisons chacun. Et puis, au total, on a un millier d'habitants. Est-ce que je peux vous répondre là-dessus, sur Annie Fourcault? Parce que je suis historienne, j'ai lu Annie Fourcault très attentivement. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que Annie Fourcault travaille sur... travaille sur la formation de la banlieue parisienne il y a 100 ans, hein, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. Alors là, vous nous montrez une photo de Google. Donc vous nous montrez une photo du résultat de la constitution de cette banlieue 100 ans après, c'est-à-dire une fois que effectivement les éléments urbains très émiettés et très en morceaux, comme elle le dit dans son titre, ont été rattrapés par la ville, qui forme maintenant Naples. Mais à l'époque où ça s'est construit, quand elle décrit les mal lotis, quand elle décrit tout ça, il m'a semblé qu'on était très très proche, au niveau des processus alors peut-être, plus au niveau des processus, mais très proche de ce que vous... montrez. C'est-à-dire, pour aller vite, à l'époque, on n'est pas dans du tout voiture, on n'est pas dans du voiture à tous les niveaux sociaux. Donc ce sont des éléments urbains qui vont se développer le long de voies comme des bus, des chemins de fer, des choses comme ça. Mais c'est bien la même chose que lorsqu'on met en place un réseau urbain avec une autoroute ou des voies rapides. Voilà, on est dans les mêmes processus. Donc en fait, l'urbanisation va suivre ou devancer, enfin bon, en tout cas, se mettre autour de ces éléments-là. Et surtout, vraiment dans l'argumentaire, quand elle parle de ces gens qui décident d'aller vivre à la campagne, au vert, etc., on est exactement dans les mêmes argumentations que vos périurbains qui disent on en a marre de la ville, on veut se mettre au vert. Voilà. Alors, je prends juste deux exemples, mais moi, il me semble qu'en tout cas, les processus sont les mêmes et que c'est la ville qui a rattrapé. Alors, bon. Justement, c'est là où vient la différence. Oui. À l'époque, je suis d'accord que ces gens, à l'époque où ils achetaient leur lot, et qui ont fondé, c'était le mouvement des mal-lotis, etc., ils étaient dans une dynamique qui est tout à fait comparable à la dynamique d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui les ont précédés, c'est les bourgeois qui s'installaient au Vésinet ou dans les lotissements de banlieue. Les belles banlieues sur lesquelles justement Bauer et Lou ont travaillé. Donc c'est un mouvement qui est très ancien, qui est repérable même en périphérie de Londres dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire bien avant même le train, parce qu'on associe souvent ce type de développement à la voiture. En fait, c'était avant le train même, et ensuite ça s'est amplifié, notamment avec le train. Mais il me semble qu'avec la périurbanisation, et notamment ce dont parlent Bauer et Lou, il y a un changement. Il y a un changement, effectivement, qui se caractérise par cet éparpillement ou par cet émiettement. Parce que en fait on a un émiettement, c'est là où le terme émiettement m'intéresse, on a un émiettement qui est à la fois paysager, c'est-à-dire qu'on a des miettes urbaines en quelque sorte sur des fonds de verre, ça c'est un premier aspect. On a un émiettement qui est institutionnel, c'est-à-dire que chacune, ça c'est aussi un élément assez différent de ce dont des phénomènes qui ont été très bien analysés par Anne Fourcault, c'est-à-dire que chacune de ces espaces, de ces petites agglomérations, c'est une commune. Avec un maire élu, le conseil municipal et des pouvoirs, qui de toute façon, ça fonctionnait très différemment. La décentrale, enfin, les pouvoirs dont sont dotés ces maires, ils en disposent seulement, enfin pour la plupart, et surtout pour les plus importants d'entre eux qui sont les pouvoirs d'urbanisme, ils en disposent seulement depuis les lois de décentralisation du début des années 80. Donc là, ça crée un contexte très spécifique, même par rapport à ce que analysait Bauer et Roux. Et parce qu'en plus, on a aussi un changement dans le rapport justement, c'est ce que j'explique avec la colonisation, que les habitants de ces communes entretiennent avec l'appareil municipal. Dans les années 70, on était encore dans une quête plus forte d'authenticité. L'idée était bien de faire communauté plus que ça ne l'est aujourd'hui. Oui, oui. On est plutôt dans des rassemblements de consommateurs. Et dernier aspect, on est aussi dans un émiettement social. C'est-à-dire qu'on voit bien comment par le jeu du marché immobilier et comment par le jeu de ce que viennent chercher les gens qui achètent des maisons dans ces communes, c'est-à-dire les gens qui viennent acheter des maisons dans ces communes, ils viennent chercher une accessibilité, un certain nombre de services et d'équipements locaux, et un peuplement. Alors le bien qu'ils achètent, c'est les villes. Mais ça leur est pas spécifique, c'est Paris en ville, mais sauf que là, en raison du substrat sur lequel ça prend forme, évidemment ça donne des caractéristiques particulières. Et disons que les communes chics attirent les gens chics et les communes chics. Mais il y a une espèce de gradation comme ça, en fonction de ces moyens, on accède à la commune. Et du coup on se retrouve à voisiner avec les gens qui, comme vous, ont eu à la fois les mêmes goûts et les mêmes moyens. Et du coup l'émiettement permettait de rendre bien compte de ces trois processus. Et donc le terme, l'idée n'est pas de dire quand je l'explique dans l'introduction, c'est-à-dire je ne tiens pas de discours général sur la ville, l'idée vient de dire on a une représentation de la ville aujourd'hui qui a bien intégré l'idée de la banlieue, c'est-à-dire la dilution, c'est-à-dire l'idée de la ville compacte intégrée à l'intérieur des limites, bien identifiée, ça personne a ça en tête, donc on va bien intégrer l'idée de dilution de la banlieue. Et cette idée-là, ce dont parle Annie Fourcault, par exemple, ça, on l'a bien en tête. Par contre, on a moins ça en tête. C'est-à-dire que si vous prenez avec des gens qui ne connaissent pas trop, même des gens qui connaissent assez bien la géographie ou la ville, dans des, autour de Bordeaux, par exemple, j'ai fait l'expérience, les gens, ils voient la campagne. C'est quoi ce périurbain? C'est la campagne. Ce que tu nous parles. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'appellent pas périurbain. Et ça, une personne ne personne s'appelle ne dit qu'il c'est en train d'évoluer, d'ailleurs. Mmh. On voit que dans les débats publics, le terme périurbain est de plus en plus utilisé. Et c'est très récent. Ouais. Et jusqu'à il y a peu. Donc, y a bien, et l'idée est bien d'essayer de donner une représentation avec le terme émietté et le terme de ville émietté de cet espace. Mmh. C'est bien ce que j'essaie de faire. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au départ, j'avais employé un autre terme. Parce qu'en fait, c'est issu d'un mémoire d'HDR. J'ai pas dit des recherches. Et au départ, jusqu'à presque un mois avant la soutenance, le titre c'était la fragmentation, une ville fragmentée. Et je suis bien content d'avoir. Et puis, il y a des gens avec lesquels j'ai échangé, mais d'avoir changé pour émietter, parce que ça me paraît. Fragmenter, ça renvoyait à des choses qui me restaient beaucoup moins pertinentes, et en tout cas à tout un ensemble de débats. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été écrites sur l'émiettement, mais quand même moins que sur la fragmentation. Et puis, Castel, vous parlez de Jean-Charles Castel, mais l'émiettement urbain, lui, il parle de l'émiettement à propos des opérations. C'est-à-dire, il dit on fait de moins en moins de grosses opérations, de petites opérations. Donc, il l'emploie, mais pour un autre dans sujet. Dans un autre sens. Je suis obligée de vous arrêter parce que c'est déjà moins le cas. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tenir ce qu'on avait décidé, mais bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. Je continue peut-être sur quelques petites remarques comme ça, où je vous titille un peu, en fait. Je trouve que c'est plus intéressant que finalement vous demander des éclaircissements sur des choses que vous avez écrites. Alors, il y a une chose qui m'a un petit peu gênée, et c'est... je ne sais pas comment vous dire ça, j'ai eu l'impression d'une sorte de distorsion un petit peu intellectuelle, c'est-à-dire que quand je vous ai lu, donc j'ai lu le livre dans le bon sens, si je puis dire, hein, donc du début jusqu'à la fin, quand je vous ai lu, j'ai eu l'impression que le clubisme, donc que vous définissez très bien, était inhérent à la périurbanité et que ça faisait partie de votre démonstration. Or, en vous voyant décrire le clubisme, donc cette manière d'exclure d'autres personnes, d'exclure d'autres niveaux sociaux, etc., je sentais bien que c'était quand même des choses que j'avais vues ailleurs, je sentais bien que, voilà, que ça existait dans les centres-villes, que ça existait dans les banlieues, que c'est des phénomènes connus, la gentrification, des choses comme ça. Et donc il y avait quelque chose qui me gênait un peu, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que voilà, il fait cette espèce de couple très fort entre les deux? Et il a fallu que j'attende la conclusion, en fait, pour que vous nous disiez, mais clairement, qu'en fait, ce clubisme, comme vous l'appelez, mais en fait, il existe partout. Il existe dans les banlieues chics, dans les centres gentrifiés, à toutes les échelles. Vous parlez de l'échelle de la rue, des entrées d'immeubles avec les digicodes, etc., etc. Donc, je me suis sentie un tout petit peu flouée. Je me suis dit, mais bon, pourquoi il ne nous l'a pas dit dès le début, quoi? Donc, on aurait compris que dans cette grande clubisation du monde, eh bien, il allait mettre le projecteur sur la périurbanité. Et non pas nous laisser dans cette espèce de... voilà, deux choses un peu troubles, c'est le périurbain qui est clubisé, et seulement, mais non, c'est pas possible. Enfin, vous voyez ce que j'ai, mais bon, ça c'est presque formel, je vais dire, mais pas seulement quand même. Alors, effectivement, comment dire, il se trouve que mon hypothèse, qui est celle de la clubisation, alors, elle est née, parce que le terme, je l'emploie dans le livre, La vie périurbaine face à la menace des gated communities. Qui est issu d'une enquête auprès des ménages. Il est là, oui. Et là, sous forme d'hypothèse, il y a quelques pages, et puis je me suis dit, c'est une hypothèse intéressante, puis il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant aussi, on a discuté, mais j'ai essayé de travailler, nous avons là-dessus. Mais du coup, c'est quand même un concept, dans un ensemble d'idées, qui se sont construits en même temps que je travaillais sur le périurbain. Voilà. Mais on le sent très bien, d'ailleurs. Voilà. Mmh. On le sent très bien. Et maintenant, l'étape suivante, en quelque sorte, c'est de voir jusqu'où ce concept-là peut être utile pour penser les relations que l'on entretient, alors d'un point de vue assez sociologique, je dirais, avec l'environnement proche. Et ça, c'est ce que en fait, quand j'en parle dans la conclusion où je dis effectivement ces dynamiques que j'observe là, et en tout cas ce concept et ce à quoi ça renvoie, on les trouve finalement dans d'autres contextes. Oui. C'est pas simplement propre au périurbain. Oui, mais ça, on le découvre. Le périurbain le montre de manière particulière, particulièrement le périurbain français, parce que il se trouve que lorsqu'on crée un club résidentiel, en général dans un centre-ville, ça prend plutôt la forme d'une copropriété, alors que là, c'est une commune municipale entière. Donc ça donne une spécificité quand même, et puis en plus, on est entouré d'espaces verts. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui donnent un certain nombre de caractères propres à cette clubisation. Mais là, quand j'en parle dans la conclusion, je suis presque dans un programme de recherche, en quelque sorte. Oui. Je dis, voilà, il faut à l'aboutissement, en fait. Oui. Parce que, qu'est-ce qui m'intéresse derrière ça? C'est que, ce qui est intéressant derrière le concept de club, c'est qu'il permet de penser le rapport à l'environnement proche en sortant de la dichotomie un peu stérile aujourd'hui, entre la communauté et la société, ou entre l'ancrage local et la mobilité. Et on a un vrai problème conceptuel, là, parce que on a par exemple en sociologie, les gens, quand on va leur parler de leur quartier, ils disent « mon quartier c'est un village », etc. Et puis on sait bien que c'est pas un village, enfin en tout cas ça correspond pas. Et puis d'ailleurs si les gens vivaient dans un vrai village traditionnel, avec tout le contrôle social que ça implique, ils seraient pas du tout contents. Mais en même temps ils valorisent cette idée de village. Et de quoi est-ce qu'ils parlent réellement ? On a du mal à le savoir, parce qu'aller dénoncer le fantasme de la vie villageoise, qui n'est pas du tout, en fait, quand on va sur le terrain et quand on fait parler des gens, ça n'a rien à voir avec la vie villageoise, oui, mais il y a quand même quelque chose. Et les gated communities, par exemple, justement, sur lesquels j'ai travaillé. Gated communities, en général, alors on entend beaucoup le mot communauté, on parle de repli sur l'entre-soi, de fermeture, de sécession, enfin de mise à l'écart, etc. C'est un truc, voilà, on a une espèce de groupe social qui se constitue et qui se met à l'écart du reste. Parce que justement, on a du mal à penser la territorialisation locale, l'ancrage local et l'affirmation d'une limite entre un groupe local et l'extérieur, autrement que dans le terme d'une dichotomie entre un groupe, une communauté et le reste de la société. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, parce que si les gens mettent des barrières à l'entrée de leur rue, c'est précisément parce qu'ils sont mobiles. Et précisément parce qu'ils ne font plus communauté. Parce que justement, dans une communauté, le contrôle social, il est exercé par le groupe lui-même, il n'a pas besoin de faire appel à des barrières ou à des gardes ou à des sociétés de sécurité. Là, ils ont besoin de le faire parce que la journée, c'est vide. Parce qu'en plus, les relations de voisinage sont régulées par ce que j'avais appelé, justement, à la suite de la vie périurbaine, la cordiale ignorance. C'est-à-dire un jeu de gestion du rapport à l'autre, d'équilibre entre la mise à distance et la proximité, c'est-à-dire on a envie d'avoir des relations cordiales, mais pas trop. Et donc le voisin, il ne doit pas se mêler de ce qu'il ne regarde pas et pas s'impliquer dans votre vie personnelle. Et la meilleure manière d'avoir des relations cordiales avec les voisins, c'est de s'en tenir à des services et des bonjours, bonsoir, et surtout de ne pas avoir d'enjeux avec eux. Et donc du coup, on ne veut pas s'occuper des problèmes de gestion de la rue, s'il y a des troubles, etc. D'ailleurs, on voit bien, parce qu'il y a des troubles, c'est leurs propres enfants, souvent dans les lotissements pavillonnaires. Créent des troubles, et ils préfèrent appeler la police. Parce que s'ils interviennent, les voisins vont avoir du mal à l'accepter. Parce que ça ne correspond pas à la norme chacun s'occupe de ses affaires, chacun s'occupe de ses enfants. Et du coup, les jeunes, d'ailleurs, comprennent très mal ça, parce qu'ils sont plus dans un registre communautaire, et ils comprennent très mal le fait qu'on appelle plutôt que le fait de venir leur dire « mais calmez-vous, et venez discuter avec eux ». Et donc, ce qui me semble intéressant, justement, dans le concept de club, et c'est dans ce sens-là que je fais une ouverture à la fin, c'est que ça permet de penser la territorialisation locale avec la mobilité. Parce que justement, le club se constitue avec la mobilité. Le club, c'est... et ça renvoie aussi à tout un tas de choses sociologiques que je n'ai pas tellement explorées sur les cercles, sur les immeubles, etc., mais que je n'évoque pas dans le livre, mais le club, il se constitue dans le périurbain parce que les gens viennent emménager. Si on a un filtrage social, c'est parce que les gens viennent se regrouper. Et puis en plus, si c'est un club résidentiel, c'est-à-dire qu'il a une fonction résidentielle, c'est parce que les autres fonctions sont à l'extérieur, et que donc on bouge au quotidien. Et du coup, penser la gated communities, par exemple, ou ces communes-là comme club, ça permet de conceptualiser la territorialisation locale avec la mobilité. Donc c'est en cela que ça me paraît intéressant, et du coup, je me demande jusqu'où le concept de club et puis la notion de clubisation peuvent être utilisés pour repenser la question de... du rapport qu'on a à son quartier, à la... Et à, oui, vous ouvrez effectivement dans votre conclusion. Vous, et du coup, là, ça reste... Mm-hmm. Ils ont tous été construits à partir d'un... Alors, sur oui, le périurbain, et après, mieux. On voit... Voilà, le, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez respecté finalement la manière dont vous avez découvert les choses, dont votre recherche s'est élaborée, et c'est pour ça qu'on a ce sentiment un petit peu bizarre, quoi, quand on arrive à la fin. une autre remarque. Ah, vous n'allez pas aimer du tout, je crois. Mais bon, on va. Je pense que c'est important de parler de ça. Alors, c'est. Bon, c'est un petit peu ambigu parce que vous en parlez sans en parler. Voilà, c'est les questions environnementales. C'est-à-dire que je voudrais vous demander, mais vous ne répondrez pas tout de suite parce que je vais argumenter un peu quand même, pourquoi il y a une absence au cœur de votre sujet, hein, dans votre cœur de sujet, hein, pourquoi il y a une absence de questions environnementales et pourquoi elles n'arrivent que de façon périphérique. C'est-à-dire que vous les évoquez quand vous évoquez effectivement la position des défenseurs de l'environnement sur la production de gaz à effet de serre, par exemple. Vous faites des allusions à la mobilité résidentielle, donc on voit bien que forcément vous prenez en compte ces questions liées à la voiture, etc. Mais il me semble qu'il y a deux choses qui me semblent apparaître, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il me semble que d'abord, il y a une sous-estimation quand même du rôle de la voiture individuelle dans la mise en place de la périurbanisation, ça c'est dans votre premier chapitre. On en a parlé à l'occasion de Fourcault tout à l'heure, mais il me semble quand même, et c'est assez connu maintenant, que les infrastructures routières, qui sont liées au fait que la voiture individuelle va arriver dans toutes les classes de la société, est une condition sine qua non absolue de la périurbanisation. Hein. C'est l'accès à la distance, c'est ce qui va entraîner la plus-value foncière et la plus-value immobilière. Alors, vous le dites sans le dire, c'est-à-dire que vous vous tournez autour du pot, mais c'est vraiment très allusif et vous ne le mettez pas dans votre cœur de sujet. Et deuxième élément que vous ne mettez pas dans votre cœur de sujet, que j'aurais bien voulu voir apparaître, parce que là, quand même, il y a des recherches là-dessus, et puis pas que des recherches, il y a aussi des débats politiques très forts, mais il y a beaucoup de chiffres, par exemple, c'est justement la synthèse de recherche sur l'empreinte écologique du périurbain. Voilà, c'est-à-dire que cette empreinte écologique, c'est-à-dire que coûte à l'individu et à la société le fait d'aller habiter à 50 km et que coûte le fait d'habiter en centre-ville, tout ça maintenant se mesure, on sait le mesurer. Et ceci est essentiel, me semble-t-il, pour articuler après avec votre question tout à fait passionnante de la répartition des solidarités. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas, si vous n'estimez pas l'empreinte écologique de cette manière de vivre, je ne parle pas de jugement, vous allez après installer une distorsion dans la répartition de solidarité. Et alors c'est d'autant plus drôle que, c'est pas drôle, mais c'est d'autant plus étonnant qu'à un moment, vous décrivez très précisément les foyers en difficulté, les foyers qui vont se trouver sur le front le plus éloigné de la périurbanisation. Alors vous les décrivez, ce sont des foyers qui font partie de la moyenne, même pas de la moyenne bourgeoisie, souvent des ouvriers qualifiés. Donc ce sont des gens qui sont pas très riches. Et ces gens-là. Avec la montée des prix du pétrole, donc là on est en plein dedans, le pétrole vous savez combien il coûte aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, on est complètement en plein dedans, ces gens-là, vous expliquez, ils vont plus pouvoir avoir deux voitures, ils sont obligés d'en prendre qu'une seule, donc il y en a un qui va se retrouver complètement prisonnier de son périurbain, lequel, souvent la femme, ça vous le dites pas, mais c'est moi qui le rajoute, des gens qui du coup vont, voilà, mais c'est vrai, on le sait, des gens qui du coup vont divorcer, ça va très très loin, quoi, des gens qui sont complètement endettés, qui peuvent bloqués, qui sont prisonniers du périurbain. Alors ça, vous mettez bien le doigt dessus, parce que je pense que vos enquêtes ont dû vous le révéler. Par contre, vous l'articulez pas avec ce que j'appelle la question environnementale, mais qui plus généralement peut être appelée la question écologique, qui me semble très importante dans ces questions-là. Alors, j'ai pas de problème avec cette question. Je me dis que ce qu'elle n'allait pas me plaire. Elle m'a d'ailleurs été posée lors de la soutenance du mémoire d'habilitation de recherche. J'ai plusieurs réponses à cette question. La principale, c'est que ce n'était pas le sujet. C'est là où on n'est pas d'accord. Oui, mais justement, la réponse, c'est que j'aurais fait ce même travail sur la ville, au centre d'agglomération, oui. On n'aurait pas posé ce problème de la question de l'environnement. C'est parce qu'on associe, justement, périurbain, ville, etc., étalement urbain, donc on le traite essentiellement sur l'angle environnemental. Je connais ces débats. J'ai même publié publié et je suis intervenu à différentes entreprises. J'ai même dirigé un dossier. Alors c'est pour une revue professionnelle. J'interviens plus sur ces débats d'étalement urbain. Le travail que je fais est plutôt à destination des milieux professionnels, pas directement. Sur le foncier, je pense. Voilà, donc c'est avec études foncières, ouais, j'ai vu que vous avez dirigé un dossier sur la densification en débat. J'ai vu. Et alors, donc déjà, il me semble qu'on peut traiter du périurbain et qu'on doit le faire. La question environnementale est une question intéressante, c'est une question qui m'intéresse, sur laquelle je réfléchis, qui est une question tout à fait légitime, la question de l'environnement, etc., qui sont importantes, mais on doit pouvoir parler de ces espaces-là sans toujours tout ramener à la question de l'étalement urbain ou alors à la question de savoir si les périurbains sont des affreux anti-urbains qui votent Le Pen, etc., comme l'affirme régulièrement. Justement, avec des chiffres, oui, alors, avec des chiffres, vous auriez évité justement ce débat un petit peu stérile, effectivement, qui sont sur des positions politiques et éthiques oui, alors, mais bloquées, quoi. Sur l'environnement. Pourquoi je suis parent? Parce que j'aurais pu aller un peu plus loin. Alors j'évoque quelques ouais. éléments là-dessus, notamment sur les freins qui pourraient se mettre en place par rapport à l'extension continue des aires urbaines. En fait, je ne suis pas trop rentré là-dedans parce que personnellement, je n'ai pas de position. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'étalement urbain ou la ville de ce type-là est nécessairement un problème environnemental. Oui, mais ça c'est très bien, je trouve, dans votre livre. Et du coup... J'aurais une position claire, je me serais dit, j'aurais pu dire un problème environnemental, etc. Mais finalement, parce que quand on parle justement aujourd'hui dans les recherches sur la question du rôle de la voiture, en tout cas par rapport à la question d'émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs aspects, mais il y a l'aspect de ce que c'est Hélène Messi qui réalise une thèse sur ce sujet-là, mais c'est aussi quelque chose qui a été repéré dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle la mobilité de compensation, c'est-à-dire toutes les enquêtes qui montrent que il y a un rapport entre densité et moindre usage de l'automobile, et donc moindre consommation d'énergie, moindre émission de gaz à effet de serre, etc. Ce sont des enquêtes qui reposent sur des analyses de la mobilité quotidienne. Les gens commencent à connaître ça. Mais du coup, si on prend en compte la mobilité longue distance, par exemple la mobilité pour des déplacements d'affaires ou aussi pour des déplacements de loisirs, on s'aperçoit que même en contrôlant des variables comme le revenu, la position dans le cycle de vie, le nombre d'enfants, etc., ceux qui habitent dans les centres tendent à plus partir le week-end et il suffit d'un week-end de plus en avion pour annihiler le bénéfice de déplacements en vélo et à pied dans le reste de la semaine. Donc du coup, sur cette question-là, c'est pas évident. Mmh. Sur la question sociale aussi, par exemple, l'empreinte écologique, taxe carbone, mais c'est bien gentil d'aller taxer justement ceux qui se mettent sur le front du pionnier du périurbain qui gagne. Donc typiquement, ça c'est les chiffres de constructeurs de maisons individuelles. Le budget moyen de l'acquéreur de maisons individuelles neuves, c'est 2 500 € avec deux enfants. Ils ont 800 euros de prêt, ils ont des déplacements en voiture qui leur représentent 400, 500, 600 euros par mois. Il leur reste un SMIC avec leurs deux enfants pour vivre pour tout le reste. Et on vient leur dire, en plus vous êtes des mauvais citoyens, on va vous taxer encore plus vos déplacements. Oui. Alors que s'ils sont là-bas, c'est parce que le marché immobilier fonctionne comme une centrifugeuse. Donc on a du mal à la fois, si vous voulez, ça m'entraînait dans des débats qui sont différents, que je peux traiter, mais qui me semblaient être pas tout à fait le cœur de l'objet du livre. Mais parce que là, il faut prendre en compte cette question-là, cette question sociale, c'est-à-dire critiquer l'étalement urbain, oui, mais finalement, qui est le plus responsable de l'étalement urbain? C'est peut-être aussi les gens qui s'étalent dans leur appartement en centre-ville. Tout à fait. Entendons bien, ce que je vous aurais suggéré, c'était pas du tout de prendre des positions politiques, par exemple, mais d'aborder plus. Et de chercher les chiffres, quoi, tout simplement. Mmh. Voilà, de chercher les chiffres et de les comparer, enfin voilà. Bon, alors il est 6h, j'ai demandé à nos deux organisateurs si on peut aller un petit peu plus loin. Encore un round. alors j'hésite parce que je vais vous. Mais tu pourras après, dans les autres questions, proposer... revenir à d'autres questions que tu as encore à poser. Voilà ce que je propose. Donc une dernière question. Une question assez générale sur le périurbain. Je ne vous ai pas présenté en fait le plan du livre, mais je vais le faire très, très rapidement maintenant parce que ça me semble quand même important et que de toute façon on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Donc je vais quand même vous le présenter pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous donner envie. Donc il y a tout simplement 5 chapitres. Il y a un premier chapitre, donc je le présente à ma façon, hein, pas du tout comme vous l'avez présenté, je trouve que c'est plus rigolo, qui est en fait une synthèse sur le périurbain, et une synthèse, une très très bonne synthèse, vraiment j'insiste là-dessus, tous les gens qui travaillent sur le périurbain doivent lire cette synthèse, donc ce premier chapitre qui fait 50 pages. Pourquoi ? Parce que en plus c'est une synthèse qui se fait à partir de travaux très récents. Hein. Vous n'allez presque pas au-delà de 99. Tous vos travaux pratiquement qui sont cités sont des travaux de 2000, 2001, 2003, etc. C'est voilà, c'est un incontournable, je trouve. C'est une très bonne synthèse qui ouvre plein de choses. Le chapitre 2 est très important aussi puisque c'est le cœur du travail. C'est le chapitre sur la clubisation. Donc qu'est-ce que la clubisation ? D'où est venue l'idée ? Pourquoi on l'applique au périurbain, etc., etc. Donc ça, c'est essentiel aussi. Les trois chapitres suivants sont un petit peu plus light, à mon avis, dans le contenu. Le chapitre 3, lui, en fait, il prend un exemple très précis dans les équipements publics d'une commune, qui est un exemple vraiment typique, qui est l'école, hein, et qui permet de traiter avec l'école la notion d'exclusivisme, pardon. Voilà. C'est-à-dire comment il va y avoir justement de la part des parents des évitements pour aller dans les bonnes écoles et pas dans les mauvaises écoles. Et en plus, on en rajoute une couche, et je voulais vous interroger là-dessus, mais j'aurais pas le temps, mais vous montrez très bien qu'en plus, dans le périurbain, il y a une deuxième couche qui s'ajoute à cette première couche-là, c'est qu'à l'échelle de la commune et des décisions communales, il y a aussi une politique d'exclusivisme et qui ne peut pas y avoir à l'échelle d'une métropole. Donc ça, c'est très très intéressant. Le chapitre 4, l'avant-dernier chapitre, il est sur la gouvernance. Mais la gouvernance à toutes les échelles. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. C'est-à-dire que vous êtes... Ah. Bon. Là, je ne débattrai pas sur ça. Donc, le gouvernement, évidemment, tel qu'il l'apparaît à l'échelle de la commune, mais aussi tel qu'il apparaît à l'échelle des intercommunalités et les associations qui se mettent en place, mais aussi le gouvernement dans ses rapports avec la métropole ou les centres périphériques et avec l'État aussi. Alors, bon, je l'ai trouvé un peu plus difficile, un peu plus technique, mais il est très important parce que là, il touche les outils. Et justement, comme vous êtes un homme d'action et que vous avez envie de faire bouger les choses, dans la conclusion, on comprend bien que ces outils, ben, il va falloir s'en emparer et puis faire changer les choses comme ça. Et le chapitre 5, que j'ai peu lu, j'ai juste parcouru, il est là pour mieux faire apparaître les communes périurbaines et le clubisme, et pour mieux les faire sortir, là c'est vraiment des termes presque de photographe, vous procédez par négatif. Donc là, vous allez interroger les communes avant la périurbanité, de manière à avoir un petit peu cette opposition. Donc voilà pour vous allécher. Et ma dernière remarque, et après peut-être si vous voulez, vous pourrez faire défiler un petit peu des images et les commenter, parce que ce serait dommage que vous les ayez apportées et qu'on ne puisse pas les voir. Donc ma dernière remarque, je cherche en fait mes notes que j'ai perdues. Voilà. En fait, c'est la question de l'étendue du périurbain. Vous nous montrez deux cartes, bon, on va pouvoir les voir ici. La carte de France qui est page 11, je ne sais pas si vous l'avez apportée, ça ne fait rien. Donc je vais vous la montrer. C'est donc une carte de la France entière qui vous montre en fait les aires urbaines. Et vous voyez sur cette carte, il y a des petits spots noirs, donc c'est là où c'est très dense, gris un peu moins dense, et beaucoup de blanc. Donc ça va être là que va intervenir ma question, bien sûr. Et je la mets aussi en rapport avec votre deuxième carte de la page 35 sur la région lyonnaise, où en fait vous montrez très bien que les aires urbaines, que selon l'endroit où on met le curseur, vous pouvez avoir une aire urbaine plus petite, là c'est le curseur à minima, mais si vous le déplacez dans ce qu'on estime être le périurbain, eh bien c'est beaucoup plus important. Voilà, donc en voyant ça et en revenant de vacances, parce que moi j'ai déjà pris mes vacances, je suis allée en Auvergne profonde, j'ai traversé l'Auvergne de fond en comble, je suis allée dans les endroits les plus paumés d'Auvergne, chez des gens, et je me suis rendu compte, d'après vos définitions, que ces gens, ce sont des périurbains. J'ai été invitée par une copine qui est au fin fond de l'Auvergne et qui travaille à Clermont. Donc qui fait ses 35 km par jour. Et donc, je me suis dit, mais finalement, est-ce que toute la France n'est pas du périurbain ? Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est-à-dire ces parties blanches, elles existent peut-être plus du tout, puisque au fin fond du fond de la France profonde, eh bien, on a partout maintenant des périurbains dans la définition que vous en avez donnée, qu'on en a donnée. C'est une excellente question, effectivement, parce que, mais qui est tout à fait d'actualité, parce que, justement, je trouve que l'INSEE tarde à mettre à jour le périmètre. Voilà. Ça pose la question, effectivement, du curseur. Des aires urbaines. Puisque les derniers périmètres connus sont ceux du recensement de 99. Et donc depuis, on ne les a pas actualisés. Alors, j'ai eu quelques contacts avec des gens de l'INSEE, et ils réfléchissent parce qu'en fait, le périmètre des aires urbaines est très étendu. Et il faut refaire un peu d'histoire, je l'évoque d'ailleurs dans le livre, sur les ZPIU, les zones de peuplement industriel et urbain, qui est un concept qu'on avait abandonné parce que ça couvrait une partie trop importante justement, du territoire. Justement. Et donc on avait pris une définition plus restrictive de l'étendue des villes et des métropoles, et on a pris celle du périurbain. Alors en 99, on avait 10 000 communes périurbaines, 11 000 je crois, de mémoire. En 99, on atteignait déjà 15 000, et là, même en prenant des estimations conservatrices, et il semblerait que je ne sois pas trop trompé d'après ce qu'on m'a dit à l'INSEE, on serait sans doute à 20 000, on est en tout cas dans cet ordre de grandeur-là, sur 36 000 communes. Donc, le rural devient minoritaire. Alors, le rural, d'ailleurs, il faut savoir que ça, c'est des zonages en type d'espace. Alors, dans le rural, on a des villes. Dans l'espace urbain, on n'a que les pôles urbains qui contiennent au moins 5 000 emplois. Si vous n'avez pas 5 000 emplois, vous êtes dans le rural. Ah oui. C'est pareil, le périurbain, vous avez une ville comme Meaux, qui fait 50 000 habitants, mais elle est périurbaine. Sauf que ce qui est intéressant, ce qui est important à retenir, c'est que sur ces communes, il y en a quand même 90%, donc sur 10, qui ont moins de 2 000 habitants, et qui du coup correspondent à l'image du village, en tout cas qui est la campagne. Voilà. Donc le phénomène est très étendu, et effectivement, on a une dynamique de périurbanisation et d'extension des aires urbaines, et on peut se demander d'ailleurs si on ne va pas avoir une périurbanisation généralisée. Est-ce que ce n'est pas déjà fait, en fait, c'est le sens du mal. En tout cas, on commence à s'en approcher, et l'INSEE, alors il y a un enjeu politique, oui, ça, voilà. Parce que derrière les ZPIU, quand on avait changé, et d'ailleurs Jacques Lévy, que j'évoquais tout à l'heure, avait... méchante, mais comme elle est dans votre livre de toute façon. Elle avait dit, on casse le thermomètre pour ne pas voir la réalité. Oui, la France est urbaine, la réalité est urbaine. Oui, ça vous le montrez. En plus, effectivement, on a une définition de. Les Américains, par exemple, parlent des ex-urbs, avec l'idée donc de zones bâties, physiquement séparées de la zone agglomérée principale de la ville, mais en même temps fonctionnellement dépendante, ce qu'on mesure à travers la mobilité, domicile, travail. Et en France, on a un critère, c'est 40% de la population active qui travaille hors de la commune dans l'aire urbaine. Les Américains, c'est 25%. Oui, c'est ça le curseur, justement. Voilà. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des histoires d'itération, etc. Donc, pour comparer ce qui est comparable, disons qu'il y a un écart d'un tiers de ça. Il y a un tiers plus élevé en France qu'aux États-Unis. Donc déjà, on a un critère très restrictif. Et le phénomène est extrêmement fort. Donc oui, je veux bien qu'on reprenne des critères plus restrictifs et qu'on essaye de limiter l'étendue des aires urbaines, mais la réalité est qu'en partie en lien avec la structure institutionnelle et les pouvoirs, c'est ce que j'explique à propos des liens urbains, c'est-à-dire on a des communes, elles commencent à s'urbaniser, alors je montre des photos, mais on a des communes rurales qui commencent à s'urbaniser, alors je vois que c'est la manière dont on peut s'imaginer le conseil municipal rural. Alors on a le maire qui est un plus gros propriétaire foncier, son premier adjoint qui est le deuxième plus gros propriétaire foncier, et puis il voit la demande monter. Je caricature parce que c'est pas toujours comme ça, ça dépend de la structure foncière, du type d'exploitation rurale, etc. etc. Mais ils vont se distribuer des droits à construire, avec en plus un argument plus noble, c'est qu'il y a quand même en France, on a connu l'exode rural. Donc l'idée de faire venir des nouveaux ménages et de rouvrir les classes, de redévelopper l'école, ça marche quand même aussi. Ça, c'est quand même un aspect important. Du coup, on ouvre à l'urbanisation. Donc là, il y a un vrai bénéfice pour la commune, mais du point de vue de ses habitants. Mais les nouveaux arrivants, eux, ils viennent acheter un cadre de vie. Ils ne sont pas propriétaires fonciers si ce n'est de 500 mètres carrés. Ils n'ont pas l'intention de construire des immeubles sur leur maison. De toute façon, on ne leur demande pas de construire des immeubles. Et eux, ce qui les intéresse, c'est de continuer à jouer de leur cadre de vie. Et leur cadre de vie, ce qui les définit, d'un point de vue même identitaire, c'est la ceinture verte autour. Et donc, du coup, ils veulent arrêter de construire. Ils prennent la mairie, ils mettent des règlements d'urbanisme, ils arrêtent la construction. Et qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux ménages qui veulent acheter des maisons individuelles, ils vont chercher la commune rurale plus lointaine où les gens viennent. Et donc, en France, on a des urbanisations sur des communes qui s'arrêtent à 1500 habitants, 2000 habitants. On a même des communes ici, pour vous donner quand même une mesure du phénomène, ici vous avez la commune de Grécy, qui est en fait sur laquelle j'avais enquêté au moment de la périurbaine, en fait j'avais enquêté auprès des habitants. C'est avec cette commune que l'idée de club, de clubisation est née. C'est 900 habitants. Entre 90 et 99, elle a perdu les habitants de cette commune. Vous êtes hors du plan d'exposition ébloui de l'aéroport Charles de Gaulle, donc vous pouvez construire ce que vous voulez. Vous êtes à côté, à 5 minutes d'une zone d'emploi. La plateforme Charles de Gaulle, c'est 70 000 emplois directs. Vous êtes à côté de la francilienne, le terminus du RERB est là. Bah, si les règlements d'urbanisme laissaient faire, ce serait des immeubles qui seraient construits sur toutes ces zones agricoles. Et on voit bien que c'est les gens qui habitent là qui veulent préserver leur cadre de vie. Et du coup, donc la demande se reporte plus loin. Et donc on a justement quelque chose, on a un étalement en France qui n'a plus rien à voir avec ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord sur le mot étalement. Oui, je parle émiettement. Parce que l'étalement des villes, il est fonctionnel aujourd'hui. En tout cas, voilà, on absorbe dans leur orbite. Et puis chaque petit village, après, s'étale à son échelle. Et d'ailleurs, tous ces villages qui bloquent l'urbanisation disent on lutte contre l'étalement urbain. On lutte contre l'étalement de notre village. Sauf qu'évidemment, ça reporte la demande plus loin et qu'au contraire, c'est eux qui devraient s'étaler plutôt que d'ajouter des couronnes supplémentaires. Qui pose le problème de l'éloignement, parce que là, l'enjeu n'est pas seulement environnemental, il est aussi social, parce que c'est, j'avais fait un petit calcul, aujourd'hui, le front de la périurbanisation dans l'ouest lyonnais est passé à Saint-Martin-en-Haut. Saint-Martin-en-Haut, c'est 15 km de plus. Si vous prenez ces 15 km de plus, c'est-à-dire si les gens au lieu d'habiter Mormant et travailler, même s'ils travaillent dans le centre de Lyon ou dans les zones d'activité de Mormant, peu importe, ils font juste 15 km de plus, aller-retour, c'est quand même à la fin de l'année 4000 euros pour les deux années. Donc c'est des dépenses énormes quand on sait qu'ils gagnent 2005 typiquement quand ils achètent. Donc il y a des vrais enjeux sociaux là derrière ça. Et donc je ne sais plus où j'en étais. Bah, vous montrez. Ah oui, l'étendue du périurbain. Donc voilà, on a cette dynamique. Parce que ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que le périurbain, c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire que c'est des couronnes qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors, cette idée ne vient pas de moi, seulement il y a Marc Viel aussi qui a travaillé sur ces questions-là. Et on voit bien comment les couronnes s'ajoutent les unes aux autres. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de comprendre ce qui est en train de se passer là, dans ces communes-là. Mais effectivement, le périurbain a tendance à s'étendre. Et alors, il y a des limites à cette extension. On peut dire, bah oui, mais justement, 15 km, c'est 4000 euros, ils ne vont pas faire 30 km. Alors, je ne sais pas combien votre ami dépense avec ses 35 km aller-retour, mais ça coûte cher. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Oui, sauf que les emplois suivent. Oui, non, ça va pas s'arrêter. Et les centralités secondaires se développent. En plus, il y a tout un système économique qui se construit autour de ça. C'est-à-dire qu'on a les emplois de commande et les sièges sociaux qui se mettent au centre-ville et puis tout ce qui prend de l'espace et puis qui en plus emploie des gens qui sont moins qualifiés, qui ont moins d'argent, et que c'est très bien justement qu'ils aillent. Tout ce monde-là est très bien en périphérie, très des espèces de petits milieux, et puis des bassins de vie. Alors justement, c'est le concept de bassin de vie à ce propos. Mais voilà, donc on a un phénomène qui s'étend et qui va continuer à s'étendre. Mais pour comprendre ce phénomène, l'idée du club résidentiel est très importante. Parce que c'est bien parce que ici, on se ferme à l'urbanisation, alors qu'on est juste en limite d'agglomération parisienne, et on est en limite de Seine-et-Marne. Enfin, la périurbanisation, elle va encore sur 20-30 km de ce côté-là. Eh bien, il y a des communes qui perdent des habitants. Donc, alors, c'est ça qui explique aussi cette extension. Enfin, donc là, on rejoint effectivement des liens que j'essaie de toujours faire entre des préoccupations d'action, des préoccupations politiques et la compréhension des phénomènes. Pour terminer, je propose donc une dernière question, parce qu'elle me semble quand même très importante, elle me semble bien clore en plus les choses. Vous pouvez faire défiler les images si vous voulez, les commenter au fur et à mesure, mais j'aimerais quand même bien qu'on aborde cette question quand vous voudrez, avant ou après les images. Mais c'est la question de la solidarité et du fait de redonner des ressources à l'ensemble de l'aire urbaine. Ce que vous expliquez, juste pour résumer un petit peu, c'est que vous observez très bien que dans une commune périurbaine clubisée, finalement, les gens se sont arrangés pour utiliser des biens communs et des ressources qui ne sont pas sur leur commune. Ils vont par exemple utiliser la piscine qui est dans l'autre commune, ils vont utiliser des biens et des équipements qui sont soit dans les communes périphériques, soit carrément dans les centres qu'ils utilisent. Or, dans leur commune à eux, finalement, ils s'arrangent quand ils en ont les moyens, et plus ils sont riches, plus ils ont le pouvoir de le faire, ils s'arrangent effectivement pour avoir finalement le moins de frais possible, y compris fiscalement. Donc vous pointez cette chose-là, cette iniquité, vous le dites très clairement, et vous posez justement la question de la répartition équitable des ressources, et vous posez très nettement cette question justement du rapport entre les communes périurbaines et les aires urbaines. Vous dites aussi que l'État est quand même souvent en échec par rapport à ses redistributions, parce qu'il a perdu de la du pouvoir ces dernières années, mais aussi parce que les outils, il y a des outils qui ont été créés, en particulier des plans d'urbanisme, mais que d'autres outils ont en même temps été créés complètement en contradiction, où on aidait les primo-acquérants à acheter leur maison à taux zéro, donc ce qui les incitait effectivement à aller le plus loin possible dans du périurbain. Donc en même temps, on veut densifier, limiter le périurbain, etc., etc., depuis cette fameuse loi de solidarité de 2000, et en même temps, mais vraiment dans le même temps, on donne des outils très très puissants pour faire du périurbain. Voilà, donc c'est un petit peu autour de ces questions de redistribution et de solidarité que j'aimerais vous entendre, peut-être donc la dernière thématique, parce que j'avais l'impression que ça vous tenait à cœur, et c'est quand même votre conclusion. Oui, c'est-à-dire que rien que dans les termes que j'emploie, égalité, globalisation, inclusivisme, etc., bon, il y a une tonalité critique évidente. Cette tonalité critique, elle renvoie à tous les débats qu'on peut avoir autour de thème de la sécession urbaine, la question urbaine, la ville, le lien social, la société, enfin, des thématiques Et effectivement, ce que je mets en évidence interroge sur ces questions-là, pose des questions. Et donc je pose ces questions-là. Mais j'avoue que je n'ai pas la réponse. En tout cas, on sent... Vous pointez les outils quand même. Quand même, avec les éléments... C'est-à-dire, et j'ai pas la réponse, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, et je le dis dans la conclusion, il me semble vain de vouloir remettre en cause la dynamique de globalisation dans l'état actuel de la France, de ce système de gouvernement, de ces dispositifs institutionnels, etc. C'est un fait. Mais, donc, il faut le voir, le comprendre, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et une manière de voir les choses, c'est ce que j'explique dans le chapitre sur le gouvernement de la ville et de l'IET, c'est peut-être d'essayer de faire, alors c'est peut-être un peu osé, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette direction, mais c'est reprendre le raisonnement qu'avait appliqué Émile Durkheim à propos du passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique. Ça, c'est à propos des individus. Et finalement, avec ces communes, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on avait les communes rurales qui étaient des unités relativement autonomes, juxtaposées les unes à côté des autres dans une relation hiérarchique. On retrouve l'idée un peu de solidarité mécanique. Et puis là, elles rentrent dans un organisme et elles ne doivent leur existence en tant que club qu'à leur intégration fonctionnelle dans un espace plus large. Un système. Voilà. Et en plus, elle s'individualise, c'est-à-dire que socialement, elle se spécialise, chacune avec un type d'environnement particulier qu'elle offre à des ménages. Et donc, du coup, la question aujourd'hui, de la même manière que Durkheim disait, le problème, c'est pas de remettre en cause les changements sociaux qui sont en cours et qui amènent de facto, parce que quand il y avait solidarité, c'est un concept plutôt descriptif, plutôt que moral dans son approche, de facto se mettaient en place des relations de type organique. Là, c'est ce qu'on voit dans ce type de ville. Et le premier enjeu, c'est d'en prendre conscience. Et ça, c'est, je pense, s'il y a une contribution politique à ce livre, c'est celle-là. C'est-à-dire de prendre conscience de ce que c'est. Comment c'est pour ça que le type quand même ville et miettée, il fait sens aussi, parce que c'est une manière de donner une image qui permet de voilà, on voit ça, la ville périurbaine, c'est ça, et le terme miettée, ça donne quand même... permettre de se représenter ça. Ensuite, de prendre conscience de ce que ça veut dire que d'habiter une petite commune résidentielle, bah oui, c'est vrai que vos impôts locaux servent à financer des espaces verts, une école, bah oui, mais il y a la vie, vous utilisez des services, vous déplacez, vous utilisez des services, des équipements d'autres communes. La question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est de savoir dans quel sens les flux financiers vont. C'est-à-dire, ces gens qui travaillent à l'extérieur, ils travaillent dans des zones d'activité qui rapportent de la taxe à d'autres communes. Ils vont dans des zones commerciales où ils payent de la TVA, et cette TVA, elle sert aussi à faire de la redistribution, payer des impôts, etc. Et donc là, j'avoue que sur les flux financiers, je n'ai pas vraiment de réponse. On sait ce qui se passe aux États-Unis, où là, il y a eu des études assez approfondies qui ont été faites, parce qu'ils sont plus intéressés au sujet. On sait que ce mouvement de suburbanisation s'est fait au détriment des centres-villes et qu'ils sont beaucoup dégradés en raison de pertes de base fiscale. En France, on voit bien que dans un certain nombre de banlieues paupérisées, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec des communes pauvres et qui ont des populations pauvres et qui ont peu de moyens. Plus on a de besoins et moins on a de moyens, donc il y a un problème. Mais là-dessus, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est que des gens qui sont un peu spécialistes des économistes en fait, et des spécialistes de la fiscalité locale, reprennent ce tableau et se posent le problème des flux et de voir quelles inégalités réelles se mettent en place. Voilà. Bien. Je vous propose qu'on arrête là et qu'on ouvre le débat avec. Je vais peut-être juste passer les images. Avec nos auditeurs, voilà, rapidement. Très rapidement. Parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Donc là, vous voyez. Voilà, c'est E20, non mais ça va, vous avez quand même 10 minutes. C'est Xavier Desjardins qui a fait cette carte. C'est l'urbanisation d'une métropole typique, moyenne. On voit le noyau, la zone bâtie continue, ce qu'on appelle l'agglomération, avec la ville-centre et ses banlieues au sens de l'INSEE. Tout le reste, c'est du périurbain. Et on voit bien cette idée de noyau d'urbanisation plus ou moins important dans le périurbain. Voilà ce que ça peut donner. Vous avez déjà montré les photos là, c'est donc au nord-ouest de la Seine-et-Marne, près de l'aéroport Charles de Gaulle. Là aussi, on a déjà vu. Donc ça, ce sont des photos. C'est Jean-Pierre Attal qui est plasticien et qui fait des photos. Ce qu'on voit bien, c'est qu'on a un étalement de lotissement, mais en fait, vous voyez quand même, si on regarde bien la photo, tout autour, c'est extrêmement vert. C'est pas non construit. Ça, c'est un élément important. Donc là, l'ampleur du phénomène, le nombre de communes, surtout son extension très rapide entre 90 et 99, plus de 4500 communes avec ce critère qui deviennent intégrées dans le périurbain au sens de l'INSEE. Définition de l'INSEE qu'on peut discuter, qu'on peut contester, mais bon, mon propos est pas. Ça donne juste un appui quantitatif à. Pourquoi c'est pas au cœur de mon non. Sujet. Enfin, vous montrer quand même qu'il y a une façon de voiler le fait que l'espace rural est en forte, forte, forte diminution quand même. Il y a quand même une espèce de pirouette mathématique qui fait qu'en mettant le curseur à un certain niveau, on va quand même bien avoir trois espaces bien clairs, du centre-ville, voilà, du périurbain et du enfin du périurbain et banlieue et du rural. Alors qu'en fait, ça n'existe peut-être plus le troisième point. Ça, c'est une des cartes de Prensay. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il présente le périurbain comme du moyen mélangé. Il dit que c'est des classes moyennes mélangées. Mais c'est parce qu'il a un problème, sa problématique, c'est celle de la dualisation entre les pauvres et les riches. Et le problème, c'est que si on regarde un peu plus finement quand même les choses, ici, les classes moyennes, entre ceux qui gagnent, effectivement, qui sont accédant à la propriété avec deux enfants, 2500 euros par mois, et le jour où il y a un divorce ou un accident de la vie, la situation devient très difficile. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont réellement menacés par le déclassement, et il y en a. Parce qu'il y en a qui terminent dans les voies, d'ailleurs, dans des campings après. Et puis ceux qui sont des ménages de cadre supérieur qui gagnent 7 000 euros par mois et qui habitent dans des communes périurbaines chic et bien situées, il y a quand même un gros écart, même si on reste dans le moyen. Et on voit des dynamiques de spécialisation, alors on voit aussi des spécialisations par cadran, des choses locales. Mais vous voyez par exemple cette commune qui est Grécy, là on est un revenu moyen par habitant de mémoire, on doit être de l'ordre de 34 000 euros par ménage en 2008. Juste à côté, donc c'est une commune de 900 habitants, là vous avez Thieu, commune de 800 habitants, pavillonnaire, un œil non exercé ne voit pas la différence, parce que là c'est 16 000 euros par ménage. La moitié. Plus de la moitié. Moins de la moitié, pardon. La différence, c'est qu'il y en a une, elle est sous la piste, dans la zone d'exposition brute, donc là c'est plutôt ceux qui, les manutentionnaires, ceux qui chargent et qui déchargent les avions, et puis c'est plutôt les pilotes, enfin c'est les hôtesses et le personnel volant, mais maintenant c'est de plus en plus les pilotes. Là, on voit bien d'ailleurs une carte aussi, ça montre l'étalement des aires urbaines, mais en termes de. Vous voyez, derrière, il y a ces miettes urbaines, c'est-à-dire que ce n'est pas un sprawl au sens où on l'entend aux États-Unis. On parle du PTZ. Alors, une image qu'on peut mobiliser à propos du club, et qui d'ailleurs est. Ah, les habitants, quand on les interroge, il y en a une, vous m'avez parlé, à ma commune, c'est comme le village d'Astérix sans les barrières. On résiste. Voilà. Mais c'est bien le sans les barrières qui m'a beaucoup intéressé, parce que finalement, les barrières, elles existent. Elles sont moins visibles. Donc les médias, par exemple, sont très attirés par les petites communities, les portails, etc. Alors qu'en fait, souvent, ça enclôt quelques dizaines de logements. Les enjeux sociopolitiques sont assez mineurs par rapport à ça. Par contre, là, il y a des barrières invisibles, mais qui sont beaucoup plus intéressantes, notamment la barrière de la carte scolaire. Et ce qui m'intéressait dans le chapitre 3, qui est effectivement Vous avez dit qu'il est plus light et vous avez raison parce qu'on est là dans une démarche plus exploratoire que j'ai quand même inclus parce que finalement il n'y a presque rien sur la carte scolaire dans le périurbain. Ouais. Mais c'est voilà, ça reste à approfondir et à détailler avec plus de cas, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on utilise la carte scolaire là pour empêcher les autres de venir, pour s'approprier, c'est-à-dire c'est l'école de la commune. Mmh. Vous le montrez très bien avec les luttes, voilà. Parfois sur quatre écoles, pour tout faire décaler, pour qu'on puisse avoir la bonne école au bon endroit. C'est très, très intéressant. Ça, ouais. C'est des écoles ou des collèges dont on parle Plutôt des collèges, en fait. Là, collège, c'est des lycées, collèges. Je crois, oui. En l'occurrence, c'est... Enfin, je disais école au sens de large du terme. C'est une commune, il était sur le plateau de Mornant, il était question que les élèves viennent sur un collège de Givors. Parce que les collèges de Mornant sont alors. Totalement saturés. Et oui, parce que... Mais oui, vous avez bien fait. Mais... C'est la chaise musicale, en fait. Ils sont battus, alors qu'ils viennent de Givors, la plupart des habitants de cette commune, mais justement, ils sont allés s'installer sur le plateau pour s'extraire de Givors, et mais certainement pas que leurs enfants. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le maire, qui a pas mal d'entre gens, a réussi. Alors, c'était avant que la sectorisation soit décentralisée au niveau des conseils généraux. Maintenant, c'est encore pire, les élus qui gèrent tout ça, c'est des ministères. Hein. Mais donc, ils ont réussi quand même à aller au niveau du rectorat. Et à obtenir de ne pas. Le recteur, quand même, a entendu la demande et du coup, ils ont fait un jeu de taquet. Ah oui, un jeu de chaise musicale, en fait. Ils ont chaise musicale et au lieu de faire 3 kilomètres, ils font 12 kilomètres. Voilà. Donc voilà, ça, c'est ces barrières-là, notamment des barrières de la carte scolaire, les barrières des règlements d'urbanisme. Par exemple, le fait de ne pas construire, c'est quand même une manière de tenir à l'écart. La taille de la parcelle, ça. Moi qui suis morphologue, ça m'a évidemment beaucoup intéressé. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu tout un débat sur le minimum parcellaire, c'est la possibilité de fixer des tailles minimales aux parcelles constructibles dans les règlements de l'urbanisme. Et la loi SRU avait quasi supprimé, sauf cas particulier, pour des raisons d'assainissement, etc., dans les zones très rurales, la possibilité de fixer des tailles minimales aux parcelles constructibles. Et elles ont été rétablies par la loi Urbanisme Habitat 2003, sous l'impulsion notamment de Jacques Miard, maire de Maisonneuve. Ça vous dit tout de suite, après ça c'est un minimum parcellaire. Ouais. Et donc en fait l'idée c'est de fixer des gros minimums parcellaires. Voilà, pour avoir des grosses maisons et donc des gros revenus. Oui, mais ça joue. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs par rapport à la clubisation, ce qui est important, c'est que ce n'est pas simplement une question de riche et de pauvre. J'ai écouté la présentation de la thèse de Violaine Girard, qui a travaillé sur le périurbain dans la plaine de Lin. Où on montre bien qu'il y a beaucoup de ménages qui sont ouvriers qualifiés, enfin avec des revenus multiples de ceux que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent de banlieues, alors les cités des Cap Bénitieux et du Mont-en-Velin, et qui vont s'acheter des maisons comme ça, assez loin du centre de Lyon. Et ce sont des ménages relativement modestes, même s'ils sont capables d'accéder à la propriété. Mais ça m'a beaucoup intéressé dans sa présentation, parce qu'elle montrait bien comment ils reconstituent la logique du club. C'est-à-dire ce qui leur importe, c'est eux, ils sont des couches populaires mais stabilisées, avec des contrats de travail relativement. Ce qu'ils rapportent, c'est bien qu'ils ne soient pas rejoints par ceux qu'ils ont quittés. Donc pareil, chacun à son échelle joue, et en Seine-et-Marne rurale, qui est pas, la Seine-et-Marne, c'est pas un département très chic, c'est pas du tout les Yvelines, et même certaines zones de l'Essonne. Même dans des communes rurales, etc., maintenant les prix de l'immobilier sont tellement élevés qu'on peut moins le minimum parcellaire, mais dans le début des années 2000, il y avait la volonté de fixer 500 mètres carrés de taille minimale de parcelles constructibles, en se disant on ne va pas faire venir les gens de Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est des gens qui font des PMU qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit, voilà, les élus, ils manquent ça. En fait, on exclut toujours la classe voilà, on retrouve des idées qui sont exprimées par Morin, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'ensemble de ses analyses et qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, mais en tout cas, cette idée de chacun se... Vous n'avez plus beaucoup de temps. Alors... Voilà, et puis sur les gouvernements, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi comment, par exemple, dans le cas de Lyon, on a la communauté d'agglomération. C'est-à-dire le périurbain était très atomisé avec ses communautés. Par exemple, périurbaine de Lyon, de mémoire, en 99, c'est 300 communes. L'agglomération, je ne sais plus, mais c'est une centaine de communes peut-être. En tout cas, le grand Lyon, 57. Et ce qu'on voit là, c'est la carte des intercommunalités, et on voit qu'avec les dispositions qui ont été prises, les communes périurbaines se sont structurées. Elles se sont dotées de structures qui leur permettent de parler avec une voix plus audible, parce qu'elles ne parlent plus seules, mais avec d'autres communes périurbaines. Et elles défendent des intérêts périurbains. Les périurbains se structurent et s'institutionnalisent avec donc, les communautés de communes périurbaines et des scopes aussi périurbains. Voilà. Donc, j'arrête là, parce que là, c'est... Oui, on va ouvrir la discussion, parce que sinon, c'est pas drôle. Très bien. Alors, est-ce que vous avez... Super, en tout cas, merci d'avoir organisé la discussion de cette forme tout à fait originale de round, ou de ping-pong. C'était en tout cas plaisant à entendre. Et donc, je donne la parole à ceux qui veulent réagir. C'est vrai qu'il y a de nombreuses questions. Vas-y. J'avais une petite question de définition, puis une question en forme de remarque. J'avais réagi aussi comme Anne-Sophie sur le fait que la globalisation ne me paraissait pas être effectivement quelque chose d'aussi spécifique que ça, comme on l'a évoqué, je reviens pas dessus. La petite question, c'est sur le terme globalisation, parce que, comme évidemment, ça m'apprendra, j'aurais dû lire le livre, hein, mais comme tu n'en as pas parlé, et tu n'as pas refait la définition du club. Le mot club, moi, il évoque, j'oscille entre le club med. Et il y a, à certains égards, dans la logique consommatoire, je pense que c'est, il y a aussi une analogie là, le Rotary Club. Donc où on est, est-ce que tu as une définition précise de ça? Et peut-être je termine sur la question remarque, comme ça tu réponds globalement. Et alors, sur le fond, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait... alors, je ne sais pas ce qui est dû à toi ou ce qui est dû à la lecture de Sophie. De dimension cachée dans les problématiques que tu évoques, et que j'appellerais... Enfin, j'ai, en gratouillant ma question, une logique des signes ou une sorte d'économie symbolique de la valeur. C'est-à-dire que, est-ce que le moteur de toute cette affaire... et pas davantage dans des choses invisibles, on retombe en plein dans la barrière invisible du village d'Astérix, sans la barrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas, en fait, le moteur de tout ça, c'est pas en fait une économie de la valeur, valeur à la fois au sens quasi socio-anthropologique, qui évidemment a des déclinaisons économiques, la valeur foncière, par exemple, qui explique toute cette dynamique, plus que des éléments matériels, etc. Par exemple, le fait d'habiter un endroit qui ressemble formellement à un village. Alors, c'est effectivement, on peut utiliser le mot, mais on sait bien que derrière, c'est pas un vrai village. Pareil sur l'espace vert. L'important est sans doute autant de pouvoir dire qu'on habite dans le vert, dans l'espace vert, plutôt que d'en profiter nécessairement. Je ne suis pas sûr que tout le monde en profite au sens très physique. Ramassage de champignons et compagnie. Pareil sur la maison individuelle. On sait bien que la maison individuelle, c'est aussi, y a aussi une signification. C'est pas seulement le confort matériel d'habiter, tout relatif d'ailleurs, d'habiter dans une maison individuelle, etc. Je me demande s'il n'y a pas une ligne d'interprétation, de compréhension du phénomène autour de ça, en tout cas qui a été peu évoquée dans le compte-rendu qu'a fait Anne-Sophie de l'ouvrage. Je ne sais pas si toi, tu l'as développé davantage. Voilà, mes deux remarques. L'idée de club, pour les communes périurbaines, elle a déjà été évoquée. Elle a été évoquée par des économistes. Je sais qu'Alain Guingamp a utilisé ce concept, parce que c'est un concept qui est très utilisé par un certain nombre d'économistes. Il y a une théorie des biens clubs, etc. Puis elle a aussi été utilisée par Marie-Christine Jaillet, avant, pour parler du périurbain français. Et simplement, on en fait souvent un usage assez métaphorique. Voilà, on pense au club méditerranéen, etc. Mais ça ne va pas tellement au-delà. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre la théorie économique, dans la mesure de mes compétences, qui sont limitées dans ce domaine, mais bon, j'ai essayé de faire pour le mieux. Donc de reprendre la théorie économique sur les clubs, et puis derrière, en amont, en fait, le modèle de Charles Thiebaud, alors, en fait, en économie, on tend à opposer souvent les biens privés et les biens publics. Et puis, le classement, c'est un peu raffiné. Ça, c'est un classement qui est proposé notamment par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a très longtemps. Donc, des économistes orthodoxes qui développent ce genre de travaux-là. Donc, on utilise deux critères. L'un, c'est celui de la possibilité d'exclure ou pas les autres usagers. Et l'autre, c'est la possibilité de partager. En fait, le bien privé, celui qu'on utilise, par exemple le stylo, ça devient privé, parce que c'est assez facile, quand je l'ai dans la main, c'est assez facile, enfin, voilà, à partir du moment où je ne tape pas dessus, on va prendre cette règle-là, mais nous ne tapons pas dessus, c'est assez facile de dire, bah, c'est le stylo, j'écris avec, et c'est le partager, écrire chacun avec, c'est difficile. Donc là, on est dans le bien privé. Le bien public, c'est par exemple, souvent celui qui est donné, c'est l'éclairage, c'est-à-dire, c'est, quand vous êtes sous un réverbère, c'est difficile d'empêcher les autres de lire de la lumière de cet éclairage, et puis en même temps, c'est pas tellement problématique que lui soit éclairé, ça ne diminue pas, moi, le bénéfice que je retire de la présence de ce réverbère. Et puis après, la théorie économique s'est développée autour de l'idée qu'il y a tout un ensemble de biens intermédiaires, avec deux types de biens, notamment les biens communs et les biens communs. Alors, je ne vais pas essayer d'autres, parce que comme il y a peu de temps, mais en fait, la question des biens communs, je la discute dans un chapitre complet, où j'essaye de montrer justement que dans le village rural, traditionnel, alors je reprends la littérature des années 60, mais c'est finalement le périurbain d'aujourd'hui, c'était dans les années 60, le rural traditionnel, avec les études de Morin, etc., sur Ptolémée, ou Ptolémée, à chaque fois, je me mélange, mais puis tous les autres qui ont travaillé sur tout ça, la Laurence Moulin, un ensemble de gens, qui ont bien montré comment on avait une communauté politique. C'est-à-dire les gens, ils avaient une communauté de destin, ils étaient appelés à rester dans ce village-là, ils étaient nés là, c'était ce qui faisait qu'ils étaient ensemble, et puis avec toutes leurs différences, ils étaient appelés à rester ensemble et donc à partager. Donc il est assez difficile d'exclure, à part le bannissement, voilà, on n'exclut pas les gens. Par contre, se pose la question du partage. Alors, on vit ensemble, il faut savoir comment on partage les ressources dont on dispose, etc. Donc là, on a l'usage commun qui est plutôt problématique. Et puis, il y a les biens clubs, et là je vais vite là où je vois avec les communes périurbaines, c'est que là, par contre, on exclut, et on rentre dans une logique où, grâce à des règlements d'urbanisme, grâce à tout un tas de dispositions, on tient un certain nombre d'autres ménages à l'écart, pas simplement en les sélectionnant d'ailleurs, en empêchant tout nouveau ménage de venir, sauf au moment où il y a une maison qui se libère, etc. On reprend un nouveau monde. Et puis, l'intérêt du bien club, c'est que la taille du club est calibrée de manière à ce que l'usage commun soit peu problématique. Ça, c'est l'idée du club. D'ailleurs, par exemple, vous avez, prenons un exemple plus orthodoxe, vous prenez une piscine, c'est un bien club. Alors, s'il y a trop de monde dans votre piscine, vous montez les tarifs jusqu'à ce que l'usage devienne suffisamment agréable. Et donc, ceux qui ont les moyens de payer l'entrée du club, ils ont des bénéfices qui se décident ensemble. Donc, il y a un jeu comme ça sur la taille, et on voit bien comment les communes sont très préoccupées par leur taille, leur peuplement, et bien par rapport à la question du caractère plus ou moins problématique usage des équipements et des services dont elles disposent. Donc on a cette idée de bien club. Donc ça c'est l'idée du bien club. L'idée de clubisation c'est quoi? C'est pas un concept économique. Alors, je pars de cette base économique, et l'idée de clubisation c'est de dire, en fait, voilà, dans les années 60, lorsque notamment Charles Thiébout a essayé d'utiliser, alors il n'utilisait pas le concept de club, mais des concepts similaires, pour essayer de modéliser les choix résidentiels, de dire les gens sont des consommateurs, ils emménagent dans une commune pour jouer dans un panier de biens et de services. On a beaucoup critiqué ce modèle-là, parce qu'on disait, en fait, les gens ne viennent pas dans une commune comme consommateurs, c'est un espace de vie, il y a un lien politique qui s'établit avec les autres, et c'est pas un lien purement utilitaire ou consumériste, il y a des liens qui relèvent d'une autre nature, qui sont des liens politiques. Et ce que je affirme, qui n'est pas très original, on retrouve des choses tout à fait de cet ordre-là chez Marc Roger à propos des non-lieux, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte de mobilité généralisée, de culture de la mobilité, c'est-à-dire au-delà de la question quantitative, qui n'est pas si évidente que ça, mais d'un état d'esprit, de culture de la mobilité, le rapport qu'on a à l'environnement local a changé. Et donc on est passé du commun au club. Et c'est ça la clubisation, en fait. C'est-à-dire que les périurbains d'aujourd'hui, notamment en France, ils ont un comportement qui se rapproche de celui qui était normatif, et en fait qui devient descriptif, que Thiébout prêtait aux habitants des suburbs américains. Enfin, c'est un peu rapide, mais... Donc la question de la valeur, elle est bien là, c'est-à-dire... vous disiez sur le passage de la sphère politique à la sphère économique, c'est-à-dire la sphère politique, on passe d'une sphère qui est politique à une sphère économique. Juste deux minutes, quand même, il y a un auteur qui m'a inspiré, c'est Michael Walzer, parce que l'idée de sphère, elle vient de la théorie des sphères de justice, donc on a la sphère politique et la sphère économique. Donc on a des principes de justice qui sont différents. ne veux pas dire qu'il y en a une qui est injuste et l'autre qui est. C'est d'ailleurs ça, très important en retour, d'ailleurs, ce qui est reconnu qui n'est pas forcément injuste, c'est qu'elle repose sur des principes de justice différents. Et donc on a une régulation avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Et il disait, il donne un exemple d'une ville privée construite par Pullman en lien avec les perspectives paternalistes, voilà, on construit une ville pour ses ouvriers. Et il disait, il y avait un pouvoir économique, parce qu'il était propriétaire de cette ville, mais qui pouvait vite dériver en tyrannie, si jamais en tant que propriétaire de cette ville, il considérait qu'il pouvait la raser. Ou parce que quelqu'un perdait son emploi dans l'entreprise, il devait quitter la ville. Parce qu'il y a des droits qui sont pas, qu'on ne peut pas ramener ou rabattre sur cette logique économique, qui sont liés au fait que ces gens, ils ont vécu là, ils ont élevé leurs enfants, et ils ont un rapport à cette terre qui est différent. Mais la mobilité, elle change tout ça, et elle affaiblit complètement cet argument-là. Et on voit bien. Parce que justement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une perspective de vie. On est né là et on se projette dans cet espace-là. Mais les gens, beaucoup de périurbains, ils disent, voilà, je suis venu là, j'avais des citations, des fois, il y en a un, il m'a dit, oui, j'ai acheté ma maison comme j'achète une voiture. Ça correspond à ce dont j'ai besoin maintenant. Il y a même des gens qui sont investis dans le conseil municipal, etc. Et puis ils disent, à la retraite, je vais venir, de toute façon, je suis à nomade. Enfin, on a cette idée de rapport, de fait qu'on vient utiliser quelque chose qui nous correspond à un moment donné, et puis ensuite, on s'en va. Donc, du coup, ça casse cette espèce l'argument qui était au fond du raisonnement de Walzer pour dire la ville construite par le Pullman, les principes de justice appropriés, ne sont pas ceux de la sphère économique mais ceux de la sphère politique, mais dans un contexte de mobilité, ça change. Et c'est au fondement de la globalisation. J'ai une petite question. Alors, d'une certaine manière, je trouve que ce qui est intéressant dans l'analyse des transformations que tu fais, c'est qu'on est passé d'une situation antérieure, aux années 60, peut-être même celle de la construction des banlieues autour de Paris dans les années 20, à donc une situation complètement nouvelle. Mais cette nouvelle période, est-ce que on peut un peu vraiment l'analyser sans analyser à l'intérieur les dynamiques qui s'y produisent et en fait, il me semble que dans la discussion, à plusieurs moments, tu as souligné, ou vous avez souligné dans vos échanges, qu'il y a des tas d'ajustements qui se produisent, des éléments de contexte qui changent, par exemple le prix du pétrole qui se met à augmenter, par exemple les habitants qui se mobilisent pour changer les règlements d'urbanisme, etc. Donc autrement dit, il y a tout un tas d'éléments de dynamique qui se produisent et qui sont susceptibles peut-être de transformer les équilibres qui sont atteints. Alors, j'allais dire, si on poussait ça jusqu'au bout, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on a déjà assisté à des éléments des tendances de déclubilisation, par exemple, où on ferait le chemin inverse et dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais décrire ça? Et puis, plus généralement, comment est-ce qu'on passe de la description d'un état un peu stable que tu décris là à la prise en compte des dynamiques internes de ces transformations sociales? Oui, effectivement, il n'y en a pas là. Et alors, juste rajouter une dernière anecdote. J'avais un professeur, que tu connais, qui racontait, enfin qui disait que... pensait que les lotissements périurbains seraient, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, les futures cités HLM qu'il faudrait raser, etc. Donc en fait, les nouvelles friches, quoi, en fait. Hein. Donc, il me semble que c'est justement, ça fait partie éventuellement des paramètres d'évolution qu'on peut prendre en compte. Alors c'est encore plus que la déclubilisation, c'est carrément le déclin, les villages rétrécissants, quoi. Tu vois, comment on introduit cette dimension temporelle? Est-ce que déjà on a des éléments qui nous permettent de les saisir? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, dans ce que tu dis, mais d'abord, là, on parle du périurbain, de la ville des guettés, mais je disais, c'est 20 000 communes, même si on se restreint à sa vie sur moins de 2 000 habitants, ça en fait encore 90%, donc 18 000. Tenir un discours général sur 18 000 communes, c'est quand même... C'est osé. Et bien évidemment, toutes ces communes suivent des trajectoires qui sont très diverses. j'ai essayé de faire des quelques typologies assez sommaires, en opposant notamment des communes qui sont en voie de périurbanisation et c'est d'autres qui sont en maturité périurbaine, enfin même avec 3-4 types, on reste encore très sommaire. Mais c'est très dynamique la manière dont vous expliquez les choses dans ce livre, ça je te rassure, en fait, les dynamiques elles sont montrées. Plusieurs phases et le premier élément, le deuxième, comment on s'éloigne de l'épuisement, ça c'est très bien montré qu'on n'est pas dans quelque chose de statique. Mais il y a des éléments par exemple quand même des logiques contraires à la périurbanisation qui sont très présentes. Par exemple, aujourd'hui dans beaucoup de communes qui sont vieillissantes, c'est-à-dire des communes qui sont périurbanisées dans les années 70-80, les ménages arrivent à la retraite, les écoles se dépeuplent. Et si on était dans une logique purement consumériste, et d'ailleurs aux États-Unis on voit ça, ils vont dire, bah, très bien, de toute façon l'école, on n'a plus d'enfants, on n'a plus besoin, ça coûte cher, on la ferme. Il faudrait avoir ce raisonnement-là. Et donc devenir des clubs de retraités. Et ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs même la principale raison pour laquelle les communes se lancent dans une sorte de dérive démographique qui les conduit à augmenter de taille et à s'éloigner d'ailleurs de la logique du club, en tout cas du club résidentiel. Parce que, eh bien, elles veulent accueillir de nouveaux ménages, et ces ménages, elles veulent qu'ils aient des enfants. Il y a des calculs, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils construisent des maisons individuelles du type de celles qui sont déjà construites, ils auront des secondos excédents. Et donc des gens qui vont avoir des enfants qui n'iront pas à l'école du village. Donc, du coup, ils vont construire des petits collectifs au centre-bourg. Mais ça pose et d'ailleurs, en plus, il justifie ça en disant qu'il faut densifier, oui, envoyer aux villageois et lutter contre l'étalement urbain. Donc du coup, là, on est dans une logique qui est différente de celle de la globalisation. Et ils vont mettre jusqu'à... et d'ailleurs, ils disent en plus, à cela s'ajoute souvent l'argument très fréquent qu'on retrouve partout, j'arrête juste après, c'est nos enfants ne peuvent pas se loger. Ils font leurs études, ils vivent en centre-ville, etc. Mais ils ne peuvent pas se loger. Ils ne peuvent plus acheter à côté de chez nous. Il faut les loger. Mais là, on est encore dans une logique qui est politique, c'est-à-dire de groupe social et avec de là qui se projette dans l'avenir, il faut que nos enfants puissent venir avec leurs enfants acheter. Et donc, là, ça fait l'ouverture au logement social, même. Alors, ils ne sont pas du tout soumis aux contraintes de la loi SRU. Ils n'ont aucune obligation dans le périurbain, sauf quelques cas exceptionnels. Mais globalement, les 20%, ça ne s'applique pas. Et bien là, ils vont construire du logement social avec comme préoccupation très constante de pouvoir avoir un contrôle sur l'attribution de ces logements. C'est pour éviter que ce soit des grandes familles qui s'installent sur une longue durée. Enfin, c'est bien, ils essayent de tout mettre en place pour bien maîtriser. Mais il y a quand même là, on est dans des logiques qui sont différentes, qui sont plus politiques. Bon, je me demandais si vous observiez des homogénéités de place d'âge dans la mise en place d'une commune périurbaine. Parce que si effectivement tous les gens arrivent et ils ont tous le même âge, c'est évident qu'à un moment, leurs enfants partiront, n'iront plus à l'école, qu'on n'a plus besoin de l'école. Etc. Donc est-ce que ça fait partie aussi des mécanismes que vous observez, ça? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, on a effectivement des communes. Lorsqu'elles se périurbanisent, ont tendance à accueillir des ménages qui ont tous le même âge. Revenu, même revenu. Les jeunes enfants, les moins jeunes, etc. Mais après, dans des communes qui ont une périurbanisation plus ancienne, et qui sont un peu plus stabilisées dans un état qui n'évolue plus beaucoup, on a pas mal de ménages retraités, des ménages retraités quand même qui partent, on construit encore quand même quelques logements, et il y a des nouveaux ménages. Et on a une coexistence comme ça entre des ménages retraités et des jeunes ménages. Et du coup, c'est là où ça éloigne d'autant plus de la globalisation que là, il y a des vraies fractures politiques. Et du coup, des vraies discussions. Parce que l'idée du club aussi, c'est j'achète une prestation, c'est stable, je sais à quoi je m'engage, et puis ça ne va pas bouger, comme la copropriété. Mais là, sauf que du coup, ces jeunes et ces ménages plus âgés, ça, c'est vrai que j'ai très peu développé dans le livre, mais c'est une réalité, c'est une ligne de fracture de débat politique, y compris si la commune reste très homogène, socialement. Même en termes de revenus, alors d'ailleurs, c'est des positions sociales qui sont assez différentes, en fait, parce qu'on a des retraités qui ont un certain revenu, mais qui sont là parce que des gens qui sont en fin de juste avant la retraite, mais qui sont en fin de carrière, et puis des gens qui ont les mêmes revenus, mais qui sont juste en début de carrière. C'est quand même pas tout à fait non plus, c'est toujours la même chose. Donc voilà, on a des choses assez intéressantes que là, pour le coup, j'ai très peu étudié, j'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, dans le périurbain, une ligne de débat forte, parce qu'en fait les espaces peuvent paraître assez homogènes, mais il y a quand même du débat qui reste dans les limites de la diversité sociale du peuplement, mais enfin de ce que permet la diversité sociale du peuplement, les limites de fracture générationnelle sont fortes et importantes. Et on a, parce qu'à la commune, c'est ce qu'on finance l'association des amis de la société, historique, l'association qui organise des voyages, où est-ce qu'on met en place on développe les activités d'accueil parascolaire. D'autres interventions? Vincent, non? Les yeux sur la tête de l'île. Les étudiants. Oui. Allez-y. Et je veux dire d'ailleurs que l'idée de la réflexion sur la possibilité d'utiliser la clubisation comme concept s'appliquant à d'autres contextes, elle est venue d'ailleurs dans un séminaire de doctorants qu'on avait invité, et puis on avait discuté. Alors, personne ne travaillait sur le périurbain, mais plusieurs disaient, ah oui, mais dans mon cas, et on avait discuté, ça m'avait fait pas mal avancer sur cette idée. Quoi? C'est qu'il est 7h. C'est qu'il est 7h, voilà, peut-être. Voilà, voilà, il est bon. Qui était tout à fait clair. Il était tout. Non, mais en tout cas, merci à tous les deux de vous être livrés. Ah, donc, merci. Je vais donner ça à vous. C'est bien de faire ça comme ça. C'est rigolo. Je pense que c'est. On n'est pas au cours du sujet, mais ça m'a intéressé malgré tout. Tu as réagi, ça m'a plu d'ailleurs, par rapport au niveau de gouvernance. Et puis donc tu revendiques gouvernement hein, de ces communes périurbaines. Est-ce que tu peux expliciter un tout petit peu ton... Pour moi, la gouvernance, c'est différent du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est comment on décide de projets politiques pour la collectivité. Et la gouvernance, c'est comment on les met en œuvre. Alors, j'aborde des questions de gouvernance au sens où comment s'organisent les confrontations d'intérêts, etc. Mais la question, c'est bien de qui me préoccupe, c'est bien celle du gouvernement de la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Sachant que dans cette Mais tu ne t'interdis pas de penser en termes de gouvernance? Non. C'est un élément du gouvernement, si j'ai compris. Oui, ou c'est, par exemple, c'est comment on construit un consensus une fois qu'on a un certain projet, etc. Mais ce qui m'intéresse ce à quoi je tiens, par rapport à tout ce qui se dit sur la gouvernance, c'est l'idée que il y a quelque chose comme un corps collectif, et que ce corps collectif, il donne des directions. L'intérêt du périurbain, c'est qu'il met sérieusement en question le collectif. Ce collectif-là. Je vais assez loin d'ailleurs dans la critique de tous ceux qui sont pour les. Je ne vais pas reciter Jacques Lévy ici. Mais pour François Hacher, etc., tout un tas de gens qui défendent l'idée de l'élection de super-maire pour les agglomérations, suffrage universel direct, etc. Je pense que c'est... Parce que, justement, la périurbanisation, c'est un phénomène dynamique. Et puis les associations, elles se font en fonction d'échelle, en fonction d'enjeux, etc. Donc, c'est l'idée d'un gouvernement unique avec un super-maire élu qui va pouvoir diriger tout ça, me paraît pas du tout compatible avec ces dynamiques-là et avec ce paysage-là. Mais justement, la question, c'est comment, malgré tout, on maintient l'idée qu'il y a un collectif et que ce collectif se donne des directions. Et ça reste un vrai sujet. Mais c'est pas en l'institutionnalisant avec un super conseil. Enfin, qu'on a une piste totalement à écarter, évidemment, qui a sa pertinence. Mais avec le périurbain, c'est... Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de cette discussion. Donc, on essaiera d'en faire donc, un compte rendu. Oui, dis-moi simplement quelle importance. Je te donnerai les détails. Je te donnerai les détails, parce que voilà. Je vais le faire assez vite. Donc, oui, bah, oui. Parce que sinon, j'oublierai. Oui, c'est pas des 7 minutes. Mais bon, ça, on verra, on pourra discuter un peu plus. D'accord. Et puis, donc, on va vous dire prochainement à propos de l'organisation d'une séance qui sera la deuxième séance du séminaire qui sera consacrée à une présentation de doctorants. Donc, vous allez recevoir un mail la semaine prochaine. Voilà, super, merci beaucoup. Et voilà, espérons que ce soit l'occasion d'engager donc, une dynamique autour de ces travaux et de ce regard croisé sur nos travaux. Merci à tous. Donc, on va aussi la journée sur les